Voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Là, on va vraiment s'informer sur les choses qu'on dit tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, parce que dimanche, c'est l'église. Voici sa plus simple expression. Sa plus simple expression. Ça, c'est une chronique dans laquelle j'essaie de vous expliquer d'où viennent les expressions qu'on utilise presque à tous les jours. On en place au moins une par jour. C'est vrai. Et quand tu disais tout à l'heure que c'était les expressions qu'on disait du lundi au samedi, parce que le dimanche c'était l'église, eh bien c'est le contraire. Aujourd'hui, on va à l'encontre de la charte et on a notre petite thématique religieuse. Arrête! Aujourd'hui. Enfin, depuis le temps que j'en parle! Mais non, mais je trouve ça très drôle. Je trouve que tout apportait à ce que ce soit ce thème-là. Tout ça donne de même d'envie, mais on dirait que c'est le hasard fait bien les choses entre nous, tu vois, genre. Ouais. Et on commence dès maintenant, sans plus de préambule, avec notre première expression. Dis-moi, Mathieu, selon toi, que signifie « il fait un temps de curé » Ben, et ça, pas de gag non. de... Je sais de quoi tu parles. Non, il n'y aura pas de ça. Non. Pas de gag de petit gars. Pas de gag de petit gars. Non. Répète-la-moi, s'il te plaît, parce que quand on dit vague, ça me fait oublier ce qu'on vient juste de dire. J'ai pas dit vague. T'as pas dit vague. J'en dis vague. Il fait un temps de curé. Oui, c'est ça. Un temps... quand il fait vraiment froid dehors, que tu veux te réconforter l'intérieur, tu vas t'acheter une machine à café à une tasse à la fois. Donc, s'il fait un temps de curé... Ah! Le curé! C'est bon! Certains font Tassimo, mais moi, c'est plus le temps de curé. C'est bon, c'est merci. Bon. Mais en fait, il fait un temps de curé. Et c'est pour les marins, ça signifie que la mer est très calme. Donc, j'ai dit vague. J'en dis vague. Et sinon, mais c'est tout simplement, il fait un temps superbe. Donc, pour. Superbe! Oh, il est mort, Lucie! Il est mort! Mais pourquoi deux curés, hein? Quelle peut bien être la relation entre une mer calme et une soutane? Puis l'explication que je propose, en fait, c'est la seule répertoriée. Donc, c'est peut-être bien la bonne, hein, d'autant plus qu'elle vient d'un curé. Hein? Donc, voici donc la bonne du curé telle qu'il l'expose. C'est une déformation de temps à curé. Donc, curé, C-U-R-E-R. Donc, celui étant le temps convenable pour curer le fond du port, c'est-à-dire y passer la drague, opération qui ne peut être menée qu'à bien... que par temps calme. Donc, on parle un peu plus de la mer là, avec le port. La référence ici. Eh ben, je me demande si récuré vient de curer deux fois. Maintenant. Je me demande. Récuré, oui, c'est une messe qui est dite par deux curés à la fois. Ah, OK, parfait. Ouais, une récuré. C'est en stéréo. Une récuré, exactement. Okay. Ensuite... Retenez pas tout ce qu'on dit. C'est ça. Faut faire la séparation. De l'Église et de l'État. Une sainte nitouche. Ça, c'est quand... ça, c'est une histoire... c'est un petit peu plate là, de parler de ça, mais c'est une histoire de viol. C'est vraiment une scène nitouche, c'est quand elle nie que tu veux, que tu peux la toucher. Elle nie. Non, je ne veux pas, donc elle nie, touche. Non. Et là, on écoute du Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. En fait, scène nitouche, c'est une femme qui joue les prudes ou une femme... une personne qui joue l'innocence, hein, qui tente de cacher ses défauts ou une hypocrite. Donc, si vous scrutez attentivement votre calendrier, vous constaterez qu'il n'existe aucun jour consacré à Sainte-Nitouche. Est-ce parce qu'elle est complètement tombée dans l'oubli? Pas vraiment, car aucun bébé de sexe féminin n'a été prénommé Nitouche. Je sais pas si t'es étonné. Donc, pour qu'une personne soit canonisée, il est impératif qu'elle ait eu une vie exemplaire. On dirait canonisée, c'est dans un carnaval que, tu sais, quand tu y portes un habit, puis ils se mettent dans un gros canon, puis ils se font tirer, là, puis ils atterrissent dans un filet. Canonisé, oui, c'est exactement ça, mais ils font ça aussi avec les saints. Okay. Donc, il est impératif qu'elle ait eu une vie exemplaire, donc sans compter l'obligation d'avoir réalisé au moins deux miracles. Et c'est vrai. Prouvé. Donc, oui. C'est sûr. Et parmi les choses qu'elle ne devait surtout pas faire, c'était bien entendu s'adonner à l'abominable péché de chair en mariage ou avec d'autres partenaires que son époux ou épouse. Donc, notre sainte Nitouche serait donc une femme très vertueuse, sexuellement intouchable. Ce serait une femme dont on pourrait dire « on n'y touche pas ». Ah, donc j'avais du... Oui, oui. J'avais quasiment raison tantôt. Mais ironiquement, une sainte Nitouche est donc une personne qui joue les vertueuses, les prudes, qui prétend ne pas vouloir y toucher, au point qu'on pourrait la canoniser plus tard, mais qui ne trompe aucunement son monde. Par extension, l'appellation s'applique à des personnes qui tentent de cacher leurs défauts et jouent les innocentes. Donc, ce sont des fausses personnes vertueuses. C'est au 16e siècle que la locution apparaît, entre autres chez Rabelais dans Gargantua. Ah? Mm-hmm. Eh ben. Ensuite, qu'est-ce que tu as à dire encore? Je vais dire que ça me rappelle le gag des Simpsons. Tu sais, dans les Simpsons en anglais, il y a quelqu'un qui demande. L'ordinateur dit press the any key. Puis là, Homer, il demande. Et où la touche any? C'est any key. Appuyez sur n'importe quelle touche. Ouais. Where's the any key? Fait que tu sais, en français, ça peut être ça. Et où la sainte ni touche? La touche sainte ni touche. Il n'y a pas ça sur mon clavier. T'sais. C'est moi. Je vais plus le faire. Être aux anges. Ouais. C'est une déviance sexuelle comme un autre, là, j'imagine. T'es aux hommes, t'es aux femmes, t'es aux anges. Voilà. Ou peut-être que t'es juste aux femmes nommées. Ou aux hommes nommées angel. Peut-être. Ou en français, Angèle. Angèle. Femme, Angèle. Le panda de Angel, Angèle, bien exactement. Sûr. Exactement. C'est moins beau en français, un peu. Non. Non? Non. C'est aussi laid en anglais. Oui. C'est ça. Comme dans, c'est comme dans la version française de Buffy, où elle s'appelait... pas Minouche, là. Bichette, en français. Dans le film de Buffy, elle s'appelait Bichette. Sérieux? C'est vrai. Oh. Dans la version française de Buffy contre les vampires, le film, elle s'appelait Bichette. Et dans la version française de Angel, il s'appelle Angèle aussi. Tu savais pas ça? Non, non, non. Fait que c'est Bichette et Angèle au lieu de Buffy et Angel. Ouais. On dirait que ça perd son charme. C'est le même. Donc, être aux anges, c'est être heureux, très ravi, ou être dans l'extase. Rien de moins. Donc, en voilà une expression qui est quand même facile à comprendre. Donc, dans beaucoup de religions, s'il y a un endroit où on ne peut être qu'extrêmement heureux, c'est bien le paradis, hein, cet endroit merveilleux où nous allons tous nous retrouver après notre mort. En fait, la majorité d'entre nous, j'imagine. Et que trouve-t-on dans cet endroit de béatitude éternelle, virevoltant autour de nous? Des anges! Ben oui. Donc, de là, il est facile de comprendre pour qu'être parmi les anges ou être aux anges est une image de grand bonheur, tout simplement. Ensuite, l'avocat du diable. C'est un nouveau modèle de sandwich 12 pouces chez Subway. Depuis leur campagne sur les avocats, tu peux acheter de l'avocat dans ton... Mais l'avocat du diable, c'est de l'avocat épicé. Donc, avec la sriracha un aussi. Un petit sriracha et des avocats sur un 12 pouces, pain, orilla, parmesan, s'il vous plaît, tout sauf les tomates et sel, poivre, pas de vinaigrette. Merci. Par des billes. En trio? En trio, avec des chips, et des biscuits, et du soupe! S'il vous plaît, merci! Ça, c'est un quatrio. Un quatrio. C'est un quatrio, comme on dit en musique. Le célèbre quatrio, les Beatles. Leonardo quatrio. Du quatrio. Donc, l'avocat du diable, c'est celui qui défend une personne ou une cause difficile à défendre. Donc, si un avocat est chargé de défendre des accusés, il y a parfois des supposés coupables ou des causes qui semblent très difficiles de défendre tellement la culpabilité est certaine. Donc, l'atrocité des crimes choquants ou la cause amorale. Et pourtant, tout le monde doit pourtant être défendu, même ce satané diable, considéré par certains comme responsable de tant d'infâmes vilainies. Donc, de nos jours et depuis le début du 19e siècle, celui qui se fait l'avocat du diable est celui qui défend une cause choquante ou perdue d'avance. Donc, les arguments énoncés par un avocat du diable peuvent aussi lui servir à tenter de contrer une thèse pour, au final, la faire sienne si elle a résisté aux attaques ainsi formulées. Mais cette locution nous vient à la fois du milieu ecclésiastique et de celui du 18e siècle. Donc, en effet, l'advocatus diaboli était un religieux qui, au cours de l'étude préalable à la canonisation d'une personne, devait rechercher tout ce qui, dans le comportement de la personne, pouvait montrer l'influence du diable. Donc, sachant que, bien entendu, comme on disait tout à l'heure, tout individu destiné à devenir un saint doit au moins avoir mené une vie irréprochable et avoir accompli au moins deux miracles. Donc, c'était la personne qui décidait de ça. Donc, si ce religieux avait donc vis-à-vis du possible futur saint un rôle d'accusateur, et s'il devait retrouver tous les éléments permettant de s'opposer à la canonisation, il était bien le défenseur des éventuelles actions du diable. Donc, en opposition avec défenseur du saint ou avocat de Dieu. Ah. Il y avait un avocat de Dieu aussi. Ben. Mais ce rôle d'advocatus diaboli a été supprimé par le pape Jean-Paul II en 1983. Quand même intéressant. Mmh. Hey, tu parles de culpabilité tantôt. Ouais. Sais-tu ce qui est particulièrement coupable? Un délicieux pain chez Subway. C'est pas ramener. Regarde par besoin, s'il te plaît. Coupable! Oh. En diagonale, s'il vous plaît. En diagonale? Non. Tu le fais couper en diagonale? Non, mais c'est ce qu'ils font d'habitude, des fois. Oh. Certains d'entre eux. Il y en a qui le font droit, il y en a qui font diagonale. Bon, au moins, ils ont été de coupe, là. Tim Horton, ils coupent même plus tes sandwichs. Sérieux. Ça, on te paraît sûr. Dire des messes basses. Ça, c'est une nouvelle mode, en fait. Pour essayer d'attirer les jeunes dans les églises de nos jours, Steph, ils font les célèbres messes limbo. Le prêtre doit se pencher en dessous d'un balai. Là, tu vois tout dans toute sa soutane. C'est ça. Puis après ça, c'est tout le temps, tout est limbo, tout est dans la thématique du limbo. Quand tu vas chercher ton hostie, OK, il faut que tu passes en dessous d'une barre aussi. Puis il rabaisse la barre de plus en plus. C'est vraiment super cool. Puis là, c'est hashtag limbo church. Tu iras voir ça. Calvaire. Donc, oui, dire des messes basses, c'est parler à quelqu'un en aparté et à voix basse. Donc, au sens propre, depuis le milieu du 17e siècle, une messe basse par opposition à une grand-messe est une messe non chantée où le prêtre récite les prières. Donc, une grand-messe, ça chante. Une messe basse, ça chante pas. Il chuchote tout le long. Ben, il fait juste réciter les prières. Donc, c'est à la fin du 19e siècle que le sens figuré qui nous intéresse apparaît. Mais en quoi une messe non chantée a-t-elle pu faire naître une expression appliquée à un dialogue discret entre deux personnes? Eh bien, cela vient du fait que lors d'une véritable messe basse, le prêtre marmonne des paroles indistinctes qui ne semblent pas destinées à être entendues par l'assistance, exactement comme le font les paroles échangées par ceux qui disent des messes basses. Non, ça doit être doublement plate comme messe. Donc, ça, c'est des paroles indistinctes comparé à ce que le prêtre dit d'habitude, qui est juste des paroles de n'importe quoi basées sur des textes n'importe comment. Exactement. C'est comparé à d'habitude. Okay. C'est ça. C'est bon. Donc là, tu comprends pas les mots, mais dans les grands-messes, tu comprends les mots. Ils veulent mais toujours tu comprends dire, pas le sens, s'il n'y en a pas. C'est okay. Ça, exactement. Ouais. Donc, moi, oui? Non, t'as pas fini, je pense. T'as-tu fini celui-là? Non, oui, j'ai fini celui-là. Okay. Parce que j'allais dire que moi, ce que je tenais de voir, c'est dans les médias, ce qui me tape ses nerfs, c'est quand on parle de tout le monde en parle comme étant la grand-messe de la télé. Et pourtant, ça chante pas. Ouais. Tu sais, ça chante pas. Premièrement, ça chante pas. Et deuxièmement, maintenant, ils vont parler de, je sais pas si c'est le gala de la voix ou peu importe. Puis ils vont dire genre. Les messes basses. Les messes basses. Ils vont dire l'émission Pascal. Genre, ils vont tout le temps dire, tu sais, des affaires, des termes religieux dans les affaires de même. Ça gosse. Dans les médias, dans la presse particulièrement, ouais, ils font ouais, ça. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis très, très, très d'accord. Voilà. C'est dit. Voilà. Sachez-le, la presse. Et en plus, ça chante pas, tout le monde. En plus, ça chante pas. Hashtag Limbo Church. Donc, ensuite, prochaine expression, vendre ou donner son âme au diable. Ben, ouais. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Je peux y aller. Vas-y donc, puis je vais après, OK? Parfait. Donc, vendre ou donner son âme au diable, c'est conclure avec le diable un pacte selon lequel il accorde certains privilèges pendant la vie terrestre en échange de la possession ou de la damnation éternelle de l'âme. Sinon, c'est aussi une autre signification, aliéner sa liberté, sa dignité en échange de quelque chose. Donc, c'est des croyances du Moyen Âge que nous vient cette expression avec son premier sens, donc la version avec vendre, qui date du 17e siècle, et celle avec donner, qui date du 19e. Donc, à cette époque où la religion jouait un rôle très important, les hommes croyaient qu'il était possible de faire un pacte avec le diable et de lui abandonner son âme, donc cette partie immatérielle et éternelle de l'homme opposée au corps, en échange d'avantages terrestres divers, alors que normalement, elle est destinée à rejoindre le paradis. C'est ainsi qu'on accusait les sorciers et sorcières d'avoir vendu leur âme au diable en échange de leur pouvoir surnaturel. Ah. Donc, au figuré, cette expression s'applique maintenant à toute personne qui n'hésite pas à se renier, à perdre sa dignité ou sa liberté d'action, de réflexion ou de décision en échange de choses qui, au moins temporairement, vont lui paraître extrêmement désirables ou avantageuses. Pourquoi j'ai des noms de politiciens, moi, qui me passent en tête? Acheter ou vendre son âme au diable, c'était ça l'expression? Hashtag son âme au diable. Hashtag son âme. Non, mais c'est dans le futur. Quand on va avoir sur Kijiji, mettons une Pontiac grande âme. Mettons une grande âme. Puis ça va être la vendeuse, ça va être la fille de, mettons, les enfants. On a vu le palmarès des prénoms. Tu sais, t'as Rox Anne, tu sais, Rock, Trait d'Union Anne, tu sais, qu'il y avait récemment. Mais dans le futur, les enfants, ils vont s'appeler par des termes religieux, mais ironiquement. OK? Fait que tu vas avoir, mettons, Sin Diable. Elle va s'appeler Sin Diable. Mettons. Fait que tu vas vendre ta grande âme à Sin Diable. Ça veut dire. Aïe, aïe, ça, quand j'ai ça fait vient après, sont moins bonnes. Ouais, mais ça, ça vient de loin. Ouais, là. Mais je cherche bien gros. Ça. Ensuite, être de bonne ou de mauvaise foi. Ben ça dépend de ta journée, si tu te lèves du bon ou du mauvais pied, t'es de bon, c'est une bonne fois, aujourd'hui c'est une bonne fois, je me suis levé, c'est une bonne ouais, fois. Ouais, ouais, ça ressemble à ça. En fait, non, être de bonne ou de mauvaise foi, c'est être sincère, franc, loyal ou menteur, hypocrite, fourbe. Donc on sépare le bon du mauvais ici. Donc le mot foi nous vient du latin fides, qui avait... C'est pas un humoriste français, ça? Louis de Fides. Louis de Fides. Non, c'est Louis de Funès. Okay, excuse. Donc, le mot foi nous vient du latin fides, qui avait différents sens assez proches, donc confiance, loyauté, promesse, parole donnée. D'ailleurs, en latin chrétien, on retrouvait cette notion de confiance, puisque le mot était spécialisé au sens de confiance en Dieu. Mm-hmm. C'est avec la signification de loyauté qu'on le retrouve dès la fin du 12e siècle. C'est loin, c'est loin. Dans bonne foi, et un peu plus tard dans mal foi, comme le petit gars dans Harry Potter, qui ne se transformera qu'au 16e siècle en mauvaise foi. Lors de son apparition, et aujourd'hui encore, la bonne foi désignée, selon le grand Robert, une qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, avec la conviction d'obéir à sa conscience et d'être fidèle à ses obligations. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, coiffer Sainte-Catherine. Ça, je suis sûr que tu sais pas c'est quoi. Non, je sais pas, mais c'est sûrement, tu sais, à l'Halloween, ouais. Les tirs Sainte-Catherine, personne aime ça. Fait que souvent, tu vas commencer à mâcher ça, puis là, tu vas leur cracher, puis là, oups, ça atterrit dans sa tête de quelqu'un. Fait qu'il faut que tu, un peu comme une gomme, tu sais, faut que tu beurres ça de mayonnaise, tu mets ça dans le congélateur, je sais pas trop comment tu fais ça. Puis à un moment donné, ben, tu décoiffes, tu coiffes Sainte-Catherine. Ouais. Puis que t'as un gros spot manquant sur ta tête. En fait, coiffer Sainte-Catherine, c'est pour une femme arrivée à l'âge de 25 ans en n'étant pas mariée. Ah. Donc moi, je devrais coiffer Sainte-Catherine. Tu vas rester Sainte-Catherine pas mal, j'imagine. Probablement, fort probablement. C'est pas Suçon hop la vie, ça, les Suçon? Suçon, Suçon. Bon, bon d'Halloween, Suçon. C'est ça. Donc, Sainte-Catherine, qui est une jeune femme pieuse, très érudite, est restée vierge, a eu le plaisir de mourir en martyr au... Martyr Sainte-Catherine? Au 4e siècle. Comme on dit! Comme on dit! Ah, ça, c'est drôle. Merci. Un peu triste à la fois, mais drôle. De toute façon, ça fait longtemps qu'elle est morte, là. Tu sais, 4e siècle. 4e siècle. Ah, ça, c'est beau. Non, ça va. Donc, oui, c'est ça. Elle a été décapitée après avoir été partiellement déchiquetée par des roues armées de poings et de rasoirs. De pointes, pas de pointes. Pointes, ben non. Des poings, c'est bizarre. Donc, elle est la patronne des jeunes filles, mais aussi des étudiants, des meuniers et des philosophes. Donc, par sa virginité, Sainte-Catherine est le symbole de la pureté. Le nom vient d'ailleurs du grec kataros, qui veut dire pur. Donc, dès le Moyen-Âge, il est d'usage de fêter la Sainte-Catherine pour les jeunes filles non mariées à 25 ans, donc réputées encore vierges, demoiselles qu'on appelle des Catherinettes. Si elles respectent la tradition, le 25 novembre, ces célibataires doivent se mettre un couvre-chef comportant les couleurs jaune, symbole de la foi, et verte, symbole de la connaissance. En rappel de l'ancienne tradition qui voulait que des jeunes filles coiffent la statue de Sainte-Catherine à Paris ce jour-là. Donc, c'est ça. C'est bien. C'est intéressant. Et finalement... Ça me fait moins aimer le jaune. Là. Le jaune. De la foi, j'avoue. Et t'es habillé en jaune aujourd'hui. Ironiquement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Je te reviens à celle-là. Parfait. Ouais. Donc, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire que les meilleures dispositions d'esprit, les bonnes intentions peuvent conduire aux pires résultats. Donc, voilà une expression qui manifeste un optimisme démesuré, ne donnant que de faibles chances à certains de ceux qui sont pleins de bonne volonté. Donc ici, pavé est une métaphore ancienne pour signifier recouvert complètement, tout simplement. Donc, chez nous, cette expression n'est utilisée que depuis le 19e siècle, mais elle semble avoir une longue histoire. Donc, Saint-François de Sales, ça doit pas être de Sales, de parce qu'il est pas mexicain. Donc, Saint-François de Sales, au 16e siècle, en cite une version latine de Saint-Bernard, pas le chien, mais de Bernard le Saint, datant du 12e siècle. Puis, avec nos amis Grands-Bretons, au 17e... Pas les biscuits. Hey, j'en ai mangé hier, les en plus. Craquelins, quoi. Au 17e siècle, on disait, en anglais bien sûr, l'enfer est plein de bonnes intentions. avant qu'au 18e siècle, le plein soit remplacé par pavé 2. On a inventé l'asphalte à cette époque-là, j'imagine. Exactement. Donc, sous l'influence de l'expression du 16e siècle là, qui disait « paver la voie à quelque chose » ou « préparer la voie ». Comme disait Patrick Bruel, « paver la voie ». Ou préparer la voix, ouais. C'est quand il prépare le show de TV avec Charles Lafortune. Avec Charles Lafortune. Ce n'est qu'ensuite qu'elle est citée dans nos dictionnaires. Mais on peut remonter encore plus loin dans la tradition chrétienne où il est dit que les bonnes résolutions ne suffisent pas sans leur réalisation à éviter le mal et la damnation. Donc, avec ici une nuance importante, l'absence d'exécution mène à l'enfer, alors que dans notre locution, il est dit au contraire que c'est la mauvaise réalisation qui y mène. Donc, le sens a quand même changé un peu au cours des années, au cours des siècles, je pourrais même dire. Mm-hmm. Moi, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça me rappelle les pavés numériques de clavier. Donc, je pense que c'est pour montrer comment les ordinateurs PC sont souvent vraiment mauvais. Puis souvent, ton pavé tactile et ton pavé numérique sont tous buggés parce que t'as un vieux HP. Ça. C'est ça. Fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. La compagnie voulait que ça marche, mais ça marche pas vraiment. OK. C'est ça. C'est les PC. Finalement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et l'enfer, c'est nous autres. Comme disait Julie Snyder. Hein? Ah ouais? C'est ça qu'elle disait. D'accord. Ouais. Voilà. Voilà. C'est fini! Oh, j'ai fini! Hey! Ça finit sur une mauvaise note. J'en avais des bonnes pour chaque affaire. Faut peut-être qu'il y en ait un intrus dans tes affaires, qu'il y en a un que je suis pas capable de faire à aucun gag. Ben, faudrait peut-être que je les fasse lire avant. Non, ben, Steph! Allô, est-ce que tu me connais? Mathieu Plante, à moi la main. Je prépare pas les gags à l'avance, sinon ils sont vraiment, vraiment mauvais, ça. Bon, là, tu disais que c'est Julie Snyder qui disait « L'enfer, c'est nous autres ». Oui, j'étais oui. Comme « T'as tellement pas rapport ». Elle a eu une émission de télé à Radio-Canada qui s'appelait « L'enfer, c'est nous autres » dans les années 90. Check tes affaires. Ouais, puis ça vient de « L'enfer, c'est les autres », qui est une citation extraite de la pièce de théâtre « Huit clos » de Jean-Paul Sartre. C'est vrai, mais ça, tu vois, j'aurais pas eu de gag à faire sur Jean-Paul Sartre. Sinon, « L'enfer, c'est les autres », est un sketch humoristique de Guy Bedeau. Guy Bedeau? Sinon, « L'enfer, c'est les autres », c'est un épisode de dessin animé, mais je sais pas de quoi. Ok. Sinon, on a l'enfer, c'est les autres robots, qui est le 9e épisode de la première saison de la série télévisée américaine Futurama. Futurama, malade, je suis très platine. Ouais. Cool. Puis, c'est ça. On a appris des affaires qu'on n'était pas sûr d'avoir besoin de savoir. On fait, ça a plus simple expression, les mardis à 9h. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30. Et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Messieurs, mesdames, je vous offre la chose la plus importante de tout l'univers. Eh bien, ce sont des gardiennes de foot sexy qui se font canarder le popotin. Ben oui, quelques filles légèrement vêtues ont accepté de se faire tirer dessus par quatre joueurs belges de football, donc de bons botteurs, en salle et pas n'importe où, directement sur le popotin. Donc, cette vidéo nous prouve qu'elles sont de bonnes gardiennes car les balles ne se terminent jamais dans le filet, mais presque toujours sur ce qui leur sert de... pour s'asseoir. Hein? Alors, c'est ça, c'est juste les filles sont en bobette et de très, très belles petites culottes. Elles se placent fesses devant et puis les joueurs de football, tour à tour, leur font leur meilleur lancer et puis elles viennent avec les fesses rouges. C'est tellement important que c'est pour ça que je vous en parle. Vous irez voir la vidéo sur la page Facebook du Dîner de con. Hein? Ça l'indique bien le reste de l'année, ça. Des footballeurs sexy qui se font canarder le popotin. Sinon, ben là, on va aller dans l'un peu plus sérieux. On va aller vers ces plus belles histoires à retenir de l'année 2014. Ben oui, on est en 2015, mais on mettra pas 2014 aux poubelles tout de suite. On va aller voir ce qui a été de mieux de fait durant l'année 2014. Premièrement, ici, une Américaine épouse le pompier qui lui a sauvé la vie. Victime en mars 2012 d'un terrible accident de voiture qui a notamment coûté la vie à sa grande sœur, Brandy Kaufman, originaire de Houston aux États-Unis, a épousé le pompier qui lui a sauvé la vie. C'est-tu pas une belle histoire? Eh bien oui. Sinon, deuxième histoire, les plus improbables et les plus belles, surtout, de l'année 2014, eh bien, elle accouche sur l'autoroute pour la seconde fois. Déjà, accoucher deux fois sur l'autoroute, c'est mais au même endroit. Ça s'est passé dans le Nebraska. Une femme a accouché son troisième enfant sur une bretelle d'autoroute. Elle avait donné naissance à son deuxième enfant exactement au même endroit un an et demi plus tôt. C'est-tu pas un hasard, ça? C'est assez particulier. Troisième histoire des plus belles et des plus particulières de l'année 2014, eh bien, la magnifique surprise d'un papa à son fils atteint d'un cancer. Jaden est un petit Anglais atteint d'une tumeur au cerveau qui est incurable. Pour son 5e anniversaire, son papa lui a fait une des plus belles surprises. Il s'est déguisé en Spider-Man et lui a rendu visite. C'est même la photo qui illustre cet article que je suis en train de vous lire. Autre histoire merveilleuse de 2014, eh bien, ses collègues lui offrent un an de RTT. Pour aider un collègue en proie à des difficultés au sein de sa famille, des employés de la régie des lignes Azur ont quêté pour lui offrir 362 jours de RTT. C'est des vacances, d'après moi. Hein? C'est des jours, d'après moi, de maladie ou quelque chose du genre. Sinon, autre histoire merveilleuse de 2014, le tour du monde en 9480 jours. Donc, en 26 ans, 215 pays et 850 000 kilomètres. Otto est une voiture pas comme les autres. Gunther Holtroff et son épouse disparue, Christine, l'ont conduite sur les routes du monde pendant plus de 26 ans, parcourant plus de 850 000 kilomètres à travers 215 pays différents. Donc, Otto, hein, ce n'est pas une voiture comme les autres, une voiture qui a fait plus de 850 000 kilomètres. Autre histoire, mal servi au restaurant, il laisse quand même 100$ de pourboire. Un couple extrêmement mal servi dans un restaurant de Cedar Rapids, toujours au Nebraska, il s'est tout passé au Nebraska cette année, a eu néanmoins un geste de grande classe. Il a laissé un pourboire de 100$ au serveur qui était débordé. Autre histoire assez particulière de 2014, eh bien, il effectue 28 km à pied par jour pour son fils. On en avait parlé, ben, toutes ces histoires-là, on en a presque parlé presque toutes ici au Dîner de cons, mais c'est bon de s'en rappeler. Donc, Xu Yung Kan est un père courage. Ce Chinois de 40 ans suscite l'émotion dans son pays car il parcourt 28 km à pied pour porter son fils handicapé jusqu'à l'école. C'est du dévouement assez intense. Sinon ici, autre histoire, les parents de Carl, en attente d'un cœur, lancent un appel. Carl est un garçon âgé de 9 ans et il est atteint de cardiomyopathie. Il est en attente d'une greffe d'un cœur en urgence. Ses parents lancent un appel sur Facebook afin de sensibiliser le public au don d'organes. Mais on n'a pas plus de suite. Est-ce qu'ils ont trouvé le don? Je le souhaite, mais en tout cas, sûrement si on a mis ça dans le top des plus belles histoires. Neuvième histoire merveilleuse de 2014, eh bien, paralysée, elle marche le jour de son mariage. C'est une Américaine, ancienne gymnaste professionnelle, qui avait perdu l'usage de ses jambes dans un tragique accident de voiture en 2008. Mais elle voulait plus que tout au monde délaisser son fauteuil roulant pour marcher jusqu'à son futur mari le jour de son propre mariage. Et elle l'a réussi, c'est merveilleux. Et dixième histoire les plus merveilleuses de 2014, eh bien, l'héroïque caissière de chez Giphy. OK. Inconscience ou dévouement, une caissière de chez Giphy de Blagnac, dans la banlieue de Toulouse, est parvenue mercredi à mettre en fuite un braqueur qui pointait une arme sur elle. C'était le top 10 des histoires, les plus belles histoires finalement, qui se sont bien terminées de 2014. Maintenant, ça aurait été le fun. On va y aller avec ça. Tiens, les 10 animaux marins les plus surprenants de 2014. On commence avec la 10e ou avec la première? On va commencer avec la 10e et on va descendre comme ça. Le 10e animal marin le plus improbable de 2014, eh bien, c'est le monstre du lac Léman, un bus. Donc, un autobus. Hein? Si l'Écosse te fascine avec son monstre du Loch Ness, la Suisse pourrait bien entrer dans la course des gros animaux marins d'eau douce non identifiés. Mais la sortie de la chose des eaux claires du lac Léman à Vevey en Suisse n'était finalement pas si mystérieuse. Il s'agissait d'un autobus. Mi-ton, mi-licorne, quelle est cette bête sortie des eaux? En 9e position des animaux marins les plus improbables de 2014, c'est un pêcheur australien qui était parti pêcher au large de Queensland en Australie et a eu sans doute la surprise de sa vie lorsqu'il a sorti un poisson mystérieux doté d'une corne unique. Mais on ne nous donne pas le nom de cette bête ou est juste pas nommée encore? On ne le sait pas. En vidéo, une immonde créature inconnue pêchée à Singapour. Tout le monde a déjà parlé de l'alien de Singapour et pour cause, la chose qui a récemment été sortie de l'eau demeure toujours bien mystérieuse. J'aurais aimé avoir plus d'informations à vous donner, mais c'est comme ça. pas de monstre de Loch Ness sur Apple Maps. Donc, une image satellite du Loch Ness montrait une forme étrange sous la surface. Beaucoup d'enthousiasme ont tout de suite pensé à Nessie, le monstre du Loch Ness. La vérité est plus terre à terre. OK, mais là, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est de la vérité. Mais bon, on ne le sait pas. Il y a le mystère du sous-marin de la Baltique, un ovni sous-marin, et si le sous-marin fantôme de la mer Baltique, à la recherche duquel les marines locales se sont lancées, était un OSNI, un objet sous-marin non identifié, c'est l'hypothèse que formulent des passionnés du paranormal. Autre objet, pas objet, mais créature marine mystérieuse de 2014, eh bien, un mystérieux monstre marin enfin identifié. Observé pour la première fois en 2012, un mystérieux monstre marin a semé la discorde dans le monde scientifique. Deux ans plus tard, il a finalement pu être identifié. OK. Un crabe épouvantable aperçu dans un port anglais. Ah, mais ça, c'était complètement ridicule. Hein? On avait enfin retrouvé Crabzilla sur un site spécialisé dans les phénomènes surnaturels. On a publié une photo aérienne d'un port britannique à quelques mètres du quai immergé. Apparaît un crabe plus qu'effrayant. Mais là, écoute, ça sent le fake. Et je comprends pas qu'on nous mette ça dans les 10 animaux marins les plus surprenants de 2014. Hein? Ben, on peut le comprendre, mais ça pourrait être un top 10 des animaux fake aussi. Hein? Le monstre du lac de Van, une mystérieuse lueur. Le lac de Van, c'est le Loch Ness turc, une créature terrifiante est supposée nager dans ses eaux. Le mystère qui entoure ce lac s'étoffe avec l'apparition de très étranges lueurs. Et là, ben, on n'a toujours pas plus de nouvelles là-dessus. Sinon, il y a le monstre du Loch Ness aperçu dans un lac anglais. Ah, ça, c'était à quelques jours du référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Hein? Eh bien oui, une Nessie, le prétendu monstre du Loch Ness, a fait refaire surface dans un lac du nord de l'Angleterre, comme le révélait une photo, parce que lui, il voulait pas se séparer. C'est une question politique. Et la première des créatures marines qu'on a vues, ou en tout cas qu'on a entendu parler en 2014, c'est le Glaggerfallsjonsson, le monstre lacustre islandais qui existe vraiment. L'Islande aussi possède son monstre lacustre, le Glaggerfallsjonsson, quelque chose du genre. C'est ce que vient de décider officiellement un collège de 13 personnes chargé d'établir la véracité d'une vidéo filmée en 2012. Eux, ils ont décidé, ça marche, ça existe et c'est comme ça, c'est fiable, on peut. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Laurent Constantin, on l'a dit, s'en vient juste là. Accueillons-le à l'instant. Voici Déchiffrons le campus. Salut Laurent. Salut Mathieu. Ça va? Oui, ça va bien toi. Bonne année. Ouais. Oui, bonne année 2015. Ouais, ouais. C'est votre premier jeudi 2015 en ondes. En effet. Tout à fait, même que ça fait plusieurs de jeudis qu'on n'était pas là. En décembre, il y avait c'était le lendemain de Noël puis du jour de l'an, je pense, les jeudis. Fait qu'il y a pas d'émission, c'est vrai. Bref. Laurent, là, j'ai annoncé le début de la chronique. On a encore ton ancienne intro, oui. Tout ça. Mais je sais qu'il y a des affaires qui se trament autour de ta chronique. Mais moi, je suis au courant de rien, un peu comme l'auditeur moyen. Je suis un moron. Il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec ta chronique. Ben, Déchiffrons le campus est voué à tomber comme nom. On va changer de titre, de concept, peut-être même de tune d'entrée. Même de chroniqueur sera plus toi qui va faire. Oui, je vais me faire un lifting pour la semaine prochaine. Non, en fait, je délaisse l'actualité du campus. Ouh. Pour y aller plutôt sur l'international. Ok. Je peux pas dire les campus à travers... à travers toute la Terre. Mais ça se peut que les gens dans les universités en parlent quelque part partout dans le monde, fait que ça reste au moins... Ça peut être campus. Si on prend le mot campus au sens large... Ça oui, c'est avoir... ça, le campus planétaire. C'est ça, le grand campus. L'université de la vie, comme on appelle. L'université de la vie. Donc, mon objectif, qu'est-ce que ça va être exactement? Ça va être de vulgariser un sujet d'actualité internationale, différent chaque semaine, avec humour et opinion. Oh! Et bien entendu, avec ta participation et celle de Stéphanie Paradis, que, comme à l'habitude. Ouais. Quand elle est là, évidemment, mais okay. Quand elle est là. C'est, il fait froid. Les autos. Ah, j'ai pas de petits bruits de criquet là, que non. Je peux rajouter, là, malheureusement. Là. Donc, ça va être ça, mon concept de chronique pour l'hiver 2015. Avec humour, ça veut dire qu'il n'y aura aucun enjeu grave là-dedans. Donc, vraiment, c'est complètement inapproprié de laisser rouler le fond qui roule d'habitude pendant ta chronique. C'est ça que ça veut dire? Non, mais je dis avec humour, ça va dépendre de certaines chroniques. Certaines vont être plus humoristiques, peut-être d'autres moins, parce que certains sujets se prêtent moins à l'humour et peut-être plus à la réflexion. OK. Oui, j'ai au feeling pour l'instant. On va rester comme ça pour l'instant. Parce que mon premier, j'étais censé parler d'un sujet tout autre. Hier, il y a eu un grand bouleversement en France. Oui, tu as sûrement été au courant. On m'a mis au courant, en fait, pendant l'émission par un chroniqueur. Parce que, tu sais, moi, j'arrive ici. Oui. J'arrive ici à 7h30 le matin. J'ai pas regardé les nouvelles, moi. C'est mon sûr. Émission tourne pas autour des nouvelles, fait que j'écoute pas les nouvelles. Uh-huh. Fait que je l'ai su à 9h30, genre. Quand j'ai fini mon émission, puis mon chroniqueur m'a dit ça. C'est drôle, j'ai comme eu un blocage pendant que tu me disais ça. Parce que tu me disais, ah, voyons, ton émission a fini à 9h30. Oui. Et ça s'est situé autour de 11h, 11h30, mais là, je disais, non. Laurent réveille, là, il y a un décalage horaire de 6h. Exactement. Wake up. Oui, ça a eu lieu, j'imagine qu'on l'a su pendant la fin de la nuit, c'est eu début. Oui, j'imagine. Donc, c'est ça, hier, mercredi, le 7 janvier 2015, vers 11h, 11h30, trois hommes masqués font irruption dans les bureaux de Charlie Hebdo. Ils débarquent en pleine réunion éditoriale et tuent 12 personnes, dont deux policiers et presque l'entièreté de l'équipe de rédaction du journal. En plus de faire une dizaine de blessés. Mais qu'est-ce que le Charlie Hebdo, ouais. Mathieu Plante? Est-ce que tu connais ce journal-là? Je sais pas, je connais TV Hebdo. Moi. Alors, le Charlie Hebdo, c'est un journal satirique. Un journal satirique, c'est qui fait des blagues, qui fait de la parodie, qui se moque. Si on peut dire au Québec, ça se tournera autour de l'humour des cyniques. Okay. Pour les plus vieux, pour RBO un petit peu, les plus jeunes. Ça fait sur tout le monde égal. Ça fait sur tout le monde égal, c'est ça exactement. Ouais. Autant sur ce qui est du religieux, c'est sur des sujets politiques, donc le gouvernement, ces choses-là. Mmh. Donc, un journal qui existe depuis 1970, leur première une portait sur la mort de Charles de Gaulle, d'ailleurs. Mais le journal a pris une pause dans les années 80 pour revenir en 92. Donc, c'est un journal qui est reconnu pour son humour piquant à l'endroit des religions et des gouvernements. Et bien entendu, c'est jamais l'humour qui est au premier degré. Mmh. Il y a souvent une réflexion qui est derrière ça, là... ça veut dire quelque chose à contester. C'est l'humour contestataire d'une certaine façon. On dit que c'est un journal libertaire, donc vraiment qui prône la liberté d'expression, peut-être de façon radicale, mais tout de même, ça demeure la liberté d'expression, même si c'est provocant d'une certaine façon. Ils ont été reconnus beaucoup du grand public à l'extérieur de la France par des caricatures de Mahomet. Il y avait eu un concours de caricatures de Mahomet au Danemark au début des années 2000. Et le journal Charlie Hebdo avait décidé de reprendre ces caricatures-là et de les publier en France. Mmh. Et par différentes interprétations, ça avait suscité un tollé un peu dans le monde arabe. Non, je savais pas qu'à l'origine, c'était donc même pas des dessins que Charlie Hebdo avait fait. Oui, c'est ça. C'est ça, OK. Ça, à l'origine, c'était juste par solidarité pour les Danois qui ont vraiment eu beaucoup de problèmes avec leur lectorat, mais aussi à l'international. Ben, par solidarité, c'est ça, ils ont republié. Mais ils ont fait leur propre caricature ensuite, dont une où on peut voir Mahomet les mains sur le visage en train de pleurer, où c'est titré Mahomet débordé par les intégristes, et il dit « c'est dur d'être aimé par des cons ». Donc pour faire référence aux talibans, à Al-Qaïda, ces choses-là. Une autre caricature où on voit toujours Mahomet qui dit « sans coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire ». Donc c'est comme un numéro spécial sur lui. Et une des dernières caricatures, et je pense que c'est celle qui a fait un peu déborder le vase pour certains intégristes, encore là, c'est de la moquerie, c'était titré « Toujours pas d'attentat en France ». Et là, il y a un kamikaze, on peut dire, islamiste, qui dit « Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux », en disant « ses vœux de bonne année ». Oui. Donc, en effet, c'est arrivé peu de temps après. On dirait pas que c'est courir après le trouble, mais c'est comme demander un peu... Bon, c'est sûr, d'une certaine façon. Ouais. La première attaque sur les bureaux, ça se situe en 2011. Donc, il y a des cocktails Molotov qui vont détruire entièrement les bureaux du journal. Depuis, les bureaux sont sous surveillance policière et leur site Internet est parfois même piraté. Okay. Donc, en 2011, c'est suite justement à certaines caricatures qui ont suscité certaines frustrations chez les intégristes musulmans. Mm-hmm. C'est parce qu'on les avait pas invités au cocktail Molotov. Le petit 5 à 7 Molotov. Ouais. Ça doit être ça au bureau. Donc ça, c'est ce qu'il fallait savoir sur le journal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la France exactement? Parce que la situation en France et au Québec n'est pas la même du tout. Donc c'est un pays qui est laïque, donc beaucoup plus que le Canada qui reconnaît la suprématie de Dieu dans sa constitution. Donc c'est vraiment les grands principes démocratiques, liberté, égalité, fraternité. On parle pas de Dieu là-dedans, même qu'il y a un droit au blasphème en France. Puisqu'on ne reconnaît aucune religion, mais le blasphème n'a plus aucune signification. On n'insulte personne, puisque ça n'existe pas vraiment, la religion d'État. Okay. Donc, qui peut vraiment nous condamner? Comme c'est supposé être, finalement. C'est ça. C'est... Qui peut vraiment nous condamner, sauf Dieu? Mais là, justement, le principe laïque, on reconnaît pas un Dieu en particulier. Donc, voilà. J'aime ça. On reconnaît souvent la France comme étant le père de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, donc qui donne la liberté d'expression comme la première des libertés. Donc cette liberté-là englobe la liberté d'opinion, de presse et de conscience. Et François Hollande, le président, même bien qu'il soit impopulaire en ce moment, rappelle certaines valeurs républicaines, certaines valeurs, ça veut dire la liberté là-dedans, en disant « Notre meilleure arme, c'est notre unité. Rien ne peut nous diviser. Rien ne doit nous séparer. La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. » Donc, dire que faut pas plier devant ces menaces-là, devant la barbarie, même si eux, ils veulent pas qu'on use de nos libertés, eh bien, faut les réaffirmer plutôt que s'écraser. Voilà. Donc, aussi, excusez-moi, j'avais une idée en tête, mais finalement, boum, elle a disparu. Aussi, en 2005, les banlieues de Paris, je ne sais pas si tu te rappelles de ce sujet-là, étaient parties en feu. Donc, en 2005, il y a beaucoup de crises dans les banlieues de Paris ce sont des villes à forte concentration d'immigration ou d'immigrants de deuxième génération vivant dans l'insécurité et le chômage. Donc, en un mois, il y avait eu 2 morts, 2 921 arrestations et 10 000 voitures incendiées. Donc, c'était des crises parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur le chômage. Il y a une certaine discrimination peut-être qui peut se faire entre les riches et les pauvres, entre la ville-centre et ses banlieues. Certains problèmes, justement, au fait que les gens d'origine musulmane, d'origine arabe, souvent ont de la misère à accéder au marché de l'emploi. Et tout ça... Donc, la tuerie à Charlie Hebdo hier, ça l'a mené au mouvement hashtag, si on peut dire... Mot-clic, je suis Charlie. J'essayais de chercher le mot français. Ouais, c'est pas un beau mot en français. De hashtag. Mot-clic, je suis Charlie. Donc, c'est sûr, comme tu l'as dit, on peut dire qu'ils l'ont mérité, qu'ils l'ont cherché. Ben, c'est ça. Parce que quand on lance des farces comme ça... C'est le genre de choses que je regrette d'avoir dit instantanément, qui ont couru après, parce que ça me rappelle un peu, puis là c'est vraiment pas le même sujet, puis j'embarque même pas là-dedans, mais tu sais, quand on voit à la télé ou ailleurs que les gens disent, mettons, une femme a cherché à se faire violer parce qu'elle s'habillait, tu sais, ça je trouve ça complètement inapproprié. Parce qu'elle est sexy, elle s'est faite violer. C'est pas une raison de violer quelqu'un. C'est ça. C'est un peu, je vois un parallèle entre les deux. C'est pas parce que t'as fait quelque chose en disant hey, viens nous attaquer en France que ça veut dire que tu mérites de te faire attaquer. Fait que je viens comme annuler mon commentaire un peu. Ouais, je comprends. Et ça fait référence un peu à un des caricaturistes qui est décédé hier. Avait dit en 2011 dans un documentaire que user de ses libertés, ce n'est pas de la provocation. C'est simplement user de ses libertés. Et c'est pas parce qu'il y a un public qui est très sensible à l'utilisation des libertés qu'il faut cesser de les utiliser. Ouais. Parce qu'en effet, dire qu'ils l'ont mérité, qu'ils l'ont cherché, c'est un peu reconnaître que de profiter de sa liberté d'expression peut être passible de mort. C'est reconnaître que la moquerie peut entraîner pas seulement le rire, la tristesse, le choc, donc être choqué, ou même la colère, mais aussi une haine meurtrière. Donc, comment la liberté d'expression peut provoquer une haine aussi grand. Donc, on peut s'exprimer sans violence. C'est ça qui était fait dans Charlie Hebdo. Tout ça, c'est d'une certaine façon plié devant l'obscurantisme, le fanatisme, l'islam intégriste, c'est endosser la violence. Alors, c'est sûr que je pousse l'idée dans ce sens-là, que essayer de dire que non, on a utilisé trop de liberté, donc ils l'ont recherché. Il y en a qui disaient, moi je dis mes sympathies à la famille, mais ceux qui sont morts sont des cons. C'est un peu particulier, on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un parce qu'il fait de l'humour. Exact. Parce que ça demeurait de l'humour. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'était dans leur démarche artistique. Il y a encore un autre parallèle qui n'a aucun rapport. Oui. Là, c'est un peu comme avec Sony Pictures et l'entrevue qui tue. Oui. Où là, on a dit, on diffusera pas le film en cinéma parce que la Corée, je crois que c'était du Nord, qui disait qu'elle allait attaquer les endroits où ça allait être diffusé. Là, finalement, il a été diffusé. Donc, est-ce qu'il va y avoir une attaque dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Fort probablement. Mais semblerait qu'il y a eu des pirates informatiques qui étaient très dangereux provenant de la Corée du Nord. C'est sûr que ça a été diffusé de façon plus limitée. Ouais. Là, ça n'a pas été diffusé dans tous les cinémas en Amérique du Nord. Mais tout ça pour la liberté. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose avec ça éventuellement. On pourrait s'attendre à ça. On sait pas. En même temps, c'est tout le temps, est-ce qu'on y va, peu importe les conséquences, ou est-ce que c'est tout le temps de calculer quelles sont les forces en présence? Oui, c'est ça. Et c'est les conséquences sur qui après ça? Est-ce que si tu le fais, est-ce que c'est toi, t'es la seule victime possible, ou est-ce qu'après ça peut tuer plusieurs personnes autour de toi, comme, mettons, l'équipe complète d'un journal? Exactement. Bon, je connais pas le sujet, puis je dis n'importe quoi. Parce qu'on peut aussi faire un parallèle au Québec. Si on se dit qu'ils l'ont cherché, ils l'ont mérité, il y a un groupe d'humoristes au Québec, Rock et Belles Oreilles, RBO, qui, eux, dans les années 80-90, ont été très provocants aussi. Ils jouaient beaucoup dans la satire et avec toutes leurs parodies sur Jésus-Christ dans toutes les pubs. Ils faisaient Jésus-Christ barbecue, faisaient plein de niaiseries. Là. Mais on peut dire que s'il y avait eu des intégristes chrétiens à cette époque-là, c'est sûr qu'ils auraient déjà été crucifiés au moment sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Exactement. Donc, parce que il existe un certain intégrisme musulman, justement, Charlie Hebdo se moquait pas des musulmans, mais se moquait de l'intégrisme, se moquait petit peu de ce qu'on peut pas se moquer finalement. Exact. Parce que c'est des tabou. Gens qui font peur, on peut pas rire de quoi on a peur. Il faut juste avoir peur et se plier. Donc c'est un petit peu ça l'idée de Charlie Hebdo. Et encore une fois, on le rappelle, mais les intégristes musulmans, c'est une pointe d'une population. Ah, c'est une minorité. J'aimerais que ça arrête de dire les maudits musulmans partout au Québec en ce moment. Non, exactement. Voyelle, de dire que l'islam, c'est une religion de haine. Non. C'est complètement faux, mais bon. C'est complètement faux. Encore une fois, ça fait ça à chaque fois. Hein? Où est-ce que se passe une affaire, faut que tu mettes tout le monde dans le même panier. Eh oui. Mais je crois quand même, de toute façon, que certains caricaturistes pas s'attendaient à des attaques aussi incroyables. Parce que c'est sûr qu'il y avait déjà eu le cocktail Molotov, il y a plusieurs menaces de mort de temps en temps. Mais en 2011 encore, un des caricaturistes avait dit « Je n'ai pas de femme. Je n'ai pas d'enfant. » Je n'ai pas de maison ni de voiture. Bref, il disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'attaches. Bref, qu'il se sacrifierait pour ce qu'il fait. Mais pas qu'il se sacrifiait, mais si jamais il y avait des conséquences à son œuvre, soit pour dire humoristique, mais politique aussi, il n'y avait pas nécessairement de grand impact dans sa vie autour de lui. Là, il demeure quand même qu'un des anciens directeurs du journal, hier, a annoncé en ondes, il dit j'ai perdu tous mes amis. Mm. Tous mes amis, c'était cette équipe-là. Ouais. Et c'est ça qui est déplorable, que ça a été une tuerie, un massacre, sans nom. Oui. Bien triste. Et on est toujours à la recherche des deux suspects principaux qui sont dans le nord de la France, semblerait-il. Est-ce qu'on a un portrait robot? J'ai pas... Ils ont même des photos telles quelles parce qu'ils ont déjà été recherchés par la police comme en 2008 pour d'autres raisons. Là. Ils sont liés un petit peu à certaines choses qui sont passées en Irak. Là. Il semblerait qu'ils auraient voulu aller en Irak ou au Moyen-Orient pour combattre, mais ça a été avorté, mais ils ont été interceptés depuis ce temps-là. Donc, ça finit un petit peu tristement. Mais c'est ça, quand je dis qu'avec humour, on peut rajouter un petit peu d'humour, mais il faut doser selon le sujet. Exact. Donc, ça va être un sujet d'actualité différent à chacune des semaines. Tous les jeudis à 7h30, en début d'émission. Exactement. Avec toi, Laura Constantin. Merci. Avec toi aussi, Mathieu Plante. Je vais être là. Steph devrait être là aussi. Amener sa petite touche. Tant que je suis pas tout seul au micro. C'est ça, à la console. Donnez-moi les clés, je vais me mettre autour du cou. Parfait. Merci Laura, pour ça me fait plaisir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On est dans nos revues de l'année, hein. On va y aller avec ça. Je vous parle des 10 infos les plus incroyables de 2014. Ben oui, c'est très probable qu'on en ait parlé ici même au dîner de cons, mais quand même, je suis sûr que vous n'avez pas assisté et écouté tous les épisodes du dîner de cons depuis toute l'année 2014. Là. Donc, ça va nous faire du bien. Même moi, ça va me faire un petit rappel. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Hein. Donc, la fin de 2014 est le signe des rétrospectives et de divers classements en lien avec l'actualité des 12 derniers mois. Je vous envoie à partir du 10e, de la 10e information la plus incroyable de l'année 2014. Donc, un pilote s'écrase sur son ancienne maison. Hein, c'est-tu assez incroyable? Un petit avion de tourisme s'est écrasé le lundi 5 mai sur une maison dans un quartier résidentiel de North Glen, en Colorado. Par miracle, le crash n'a fait aucune victime. Le gars s'écrase sur son ancienne maison. Assez improbable. Neuvième fait les plus incroyables de 2014, eh bien, caché dans un train d'atterrissage, il survit à un voyage de 5h30. Un ado de 16 ans a survécu à un voyage d'une durée de 5h30 dans le train d'atterrissage d'un avion en partance de San Jose en destination de Maui à Hawaï. C'est hallucinant quand on sait la température qu'il peut faire dans la carlingue d'un avion quand on est dans des endroits qui sont pas pressurisés, pas chauffés. Hallucinant, tellement incroyable. Huitième fait des plus incroyables de l'année 2014, eh bien, après une chute de 15 mètres, ah oui, ouch, il s'empale sur un lampadaire, mais survit. Un Chinois a survécu à un accident aussi effroyable qu'impensable. L'homme s'est en effet empalé sur la partie supérieure d'un lampadaire après une lourde chute. Il était pas dû, on peut dire ça de même. Un bébé né sans sang, OK, et survit. Un bébé qui est né sans sang, sans liquide vital. Donc, surnommé le bébé fantôme par la presse américaine, Hope Juarez est né avec pratiquement plus de sang dans le corps en raison d'une grave hémorragie fœto-maternelle. Il a été pris en charge à temps et elle a survécu, cette petite fille. Vraiment magistrale. Autre fait des plus incroyables de l'année 2014, eh bien une collision aérienne évitée d'extrême justesse. Scène effrayante à l'aéroport de Barcelone ce week-end. Une collision entre un avion au sol et un second appareil en phase d'atterrissage a été évitée de justesse. OK. Cinquième fait divers des plus incroyables de l'année 2014, eh bien, traînée sur 18 km, une fillette de 3 ans survit. Un enfant de 3 ans a survécu à un trajet de 18 km traîné à l'arrière de la camionnette de son grand-père qui était inattentif pendant 18 km. Ça doit être les plus longs 18 km de sa vie, ça c'est sûr. Autre fait divers des plus incroyables de l'année 2014, eh bien 45 minutes après son décès, suite à un arrêt cardiaque, elle revit. Une Américaine de 40 ans s'est mystérieusement réveillée 45 minutes après un arrêt cardiaque survenu à la suite d'une complication lors de son accouchement. Aujourd'hui, la mère de famille va très bien. Hein? C'est-tu pas génial? Et là, on entre dans les trois informations les plus incroyables de l'année 2014. Eh bien, en troisième position, Morten Hortsbach, le jumeau d'accident. Attends un peu. Morten Hortsbach, oui, le jumeau d'accident de Schumacher. Donc, si le 29 décembre 2013, en plus d'être ma fête, là, eh bien, le monde entier était tourné vers Grenoble suite à l'accident de Michael Schumacher, peu de personnes savaient qu'au même endroit, au même moment, le même jour, un fait du même acabit était en train de se dérouler. Peu de personnes savaient qu'au même endroit, le même jour, un fait... OK. Donc, accident presque pareil, c'est juste qu'un est pas mal plus inconnu que Michael Schumacher. Sinon, deuxième fait divers des plus incroyables de l'année 2014, eh bien, 10 ans après le tsunami, elle retrouve ses proches. C'est un couple d'Indonésiens qui a retrouvé sa fille 10 ans après le tsunami ravageur de 2004. Âgée de 4 ans au moment des faits, l'enfant avait été emporté par les vagues. Ses parents la croyaient morte. Aujourd'hui, âgée de 14 ans. Comment elle l'a retrouvée? On n'a pas plus de détails, mais quand même. Et première position de nos infos les plus incroyables de 2014, eh bien, il évite les deux crashs de la Malaysia Airlines. Martin de Jong est un miraculé. Ce cycliste néerlandais aurait dû embarquer à bord des deux vols de Malaysia Airlines, le MH370 et le MH17, qui ne sont jamais arrivés à destination. À chaque fois, il a changé son vol à la dernière minute. Vraiment assez incroyable. Restons dans le domaine de l'incroyable et l'original. Je vous envoie tout de suite ici les demandes en mariage les plus originales de l'année 2014. Pourquoi s'agenouiller face à l'être aimé pour lui demander sa main si l'on peut faire bien plus original? Je vous envoie ici 5 hommes qui se sont démarqués en 2014, leur demande en mariage tournant parfois au fiasco, mais quand même, ils l'ont fait. Hein? On peut dire ça comme ça. Attends un petit peu, là, on a beaucoup d'infos là-dessus. Je vais juste m'ouvrir les pages d'avance, parce que sinon, on va avoir de la misère un petit peu. Yes, sir. Donc, on y va. Première demande, eh bien, c'est la demande la plus high-tech. Espérant profiter de la journée des célibataires le 11 novembre en Chine, un jeune homme a demandé à une collègue de bureau si elle voulait se marier. Donc, pensant bien faire les choses, il avait disposé 99 boîtes pleines d'iPhone 6, en forme de cœur. Il a pourtant essuyé un refus cinglant. Ben oui, elle a dit non. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Est-ce que la page Internet veut se déjammer? Bon, ça veut pas, c'est pas grave, on va continuer. La demande en mariage la plus mystérieuse. Hein? Eh bien, c'est une demande en mariage bien énigmatique que Marianne Firth, une jeune journaliste du Whelan en Ontario, a eu la surprise de devoir enquêter sur la demande en mariage très élaborée de son petit ami. Hein? En effet, depuis quelques mois, des pancartes ornées d'un cœur se sont mises à fleurir aux quatre coins de cette ville canadienne. Intriguée, la reporter est partie à la recherche de l'auteur de ce geste romantique et qui était anonyme. Une quête qu'elle s'est employée à raconter jour après jour sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes ont ainsi pu suivre ses péripéties. Jusqu'à cette semaine où de nouveaux panneaux sont apparus indiquant cette fois-ci un lieu et une date. Le rendez-vous était donc fixé. Marianne ne l'aurait pas raté pour rien au monde. Que ne fut donc pas la surprise de la jeune femme quand elle a découvert que le mystérieux romantique n'était nul autre que Ryan, son petit ami. Connaissant son goût pour l'aventure, ce dernier avait tout planifié depuis des mois afin de lui demander sa main de façon la plus originale. Heureusement pour lui, Marianne a répondu un beau « oui ». Ben non, mais quand même, assez important comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. On arrive en plein à l'heure de grande écoute. C'est donc le moment d'accueillir Marie-Laurent Saunet. Chroniqueur! Je t'ai volé ta phrase. C'est toi qui es supposé dire ça, Marie-Laurent. Salut. Oui, là, faut que j'en trouve une autre. Je me la suis appropriée. Non, je te laisse. Laisse un copyright à la fin. C'était en guillemets français, puis c'était marqué petite ligne Marie-Laurence Audet. Audet 2015. 2015! Enfin, bonne année, Marie-Laurence. Bonne année. On n'a pas dit à aucun chroniqueur du lundi, mardi, mercredi, parce qu'on croit pas à ça, c'est contre nos croyances religieuses. Non. On dit seulement joyeuse. Non, pas joyeuse, on peut pas dire bon non plus. Non. Année. Adéquate? Non. Année, c'est trop religieux. Adéquate. Période de 365 jours entre deux dates. Donné au hasard dans un calendrier romain, exactement, c'est ça. C'est grégorien ou romain, le calendrier? Grégorien. Voilà. Selon le pape Grégoire, là, c'est ça. Ah, Greg. Greggy boy. Donc, Marie-Laurence Audet, les loisirs bien plus qu'un jeu. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu cette chronique, parce qu'ils viennent d'arriver dans le coin en janvier, ça peut arriver. Qu'est-ce que c'est, le loisir bien plus qu'un jeu? En fait, c'est une chronique qui met de l'avant, qui met en lumière des nouveautés, des tendances dans le milieu du loisir. Moi, en travaillant au laboratoire en loisirs et vie communautaire, je fais affaire aussi avec les différentes recherches en cours. Donc, c'est vous informer un peu sur l'actualité, les recherches, les nouveautés dans le milieu du loisir. Ça s'adresse vraiment à un public, pas juste ceux qui travaillent en loisir ou qui étudient en loisir, mais vraiment au grand public. C'est à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'au final, tout le monde est concerné par le loisir. Tout le monde le pratique dans ses temps libres. C'est tout ce que tu fais en dehors de tes obligations. Donc, dès que tu choisis la pratique d'un cours de danse, d'aller à un festival, n'importe quoi, ça te concerne. Donc, toi, tu es concerné. Toi, le jeune, et particulièrement aujourd'hui, le jeune, parce qu'on retourne pour toi il y a 2 ans, genre, à l'adolescence. Comment ça pour moi, il y a 2 ans? T'as probablement, max, le genre 19 ans, c'est ça? Ça, c'est pour flatter, tu sais, je flatte. Ah, c'est faux. T'as à peu près 19 ans. Ah. Vrai. Ah, ah. OK. Donc, on parle aujourd'hui du loisir chez l'adolescent typique moyen nord-américain. Exactement. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la réalité du loisir chez les adolescents. Donc là, je parle vraiment de la tranche 12-17 ans. Puis, c'est une recherche qui a été menée parce qu'il y a différents acteurs du monde municipal qui ont déclaré la faible participation des adolescents dans les activités de loisirs qui étaient offertes, mais ont aussi avoué par le fait même qu'ils ne connaissaient pas leurs attentes, leurs besoins, leur réalité. Donc, une recherche a été donnée au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'UQTR. Et à ce moment-là, les chercheurs ont dit « OK, on va mettre de l'avant. C'est quoi les intérêts en loisirs pour des adolescents? » C'est quoi les... Est-ce qu'on devrait leur charger des intérêts, c'est ça, dans le fond? Exactement, on charge des intérêts, l'austérité puis tout, on coupe puis on rajoute des intérêts pour les adolescents. Donc, c'est quoi leur intérêt en matière de loisirs? C'est quoi les types de loisirs qu'ils pratiquent ou qu'ils aimeraient pratiquer? C'est quoi les bienfaits qu'ils en retirent? Leurs réels besoins? Puis leur niveau d'implication dans la communauté, leur niveau d'implication bénévole. Donc, ça a été l'étude qui a été mise en place et ils se sont servis du territoire de Joliette pour... aller chercher leur échantillon, leurs différents groupes de discussion. Mm-hmm. Maintenant, le loisir, en général, a fait ses preuves. On en parle à chaque semaine depuis maintenant. Ça fait-tu 2 ans, pour ben, vrai? Je pense que oui. T'avais 17 ans à l'époque, j'avais sûr. J'avais pas 17 ans. Je suis sûr. Hey, comme si... Surdoué, 17 ans à l'université. Oui, vraiment, j'étais mineur. Maintenant, je vais pouvoir à la chasse-galerie. Hey, yeah! Oui, enfin, légal à l'université. Donc, c'est faux, j'ai pas 17. Ah, bon, en tout cas, j'ai pas de preuves. J'ai 18. Mais le loisir, comme on en parle depuis 2 ans, comme on en parle depuis des décennies, a quand même fait ses preuves, même si c'est une jeune science, au niveau des bienfaits physiques, mentaux, que tout le monde en général en bénéficie. Particulièrement les adolescents, c'est une période charnière où est-ce que la valorisation par leurs activités qu'ils aiment, qu'ils vont pratiquer, va aider dans leur estime de soi, dans leur développement et tout. Puis, il y a aussi été mis de l'avant que les déterminants qui étaient influents dans la pratique de loisirs, c'était tout d'abord le contexte, donc l'environnement dans lequel les gens pratiquaient leur activité de loisirs. Ensuite, c'était la nature de leur activité, c'était quoi leur choix, la façon qu'ils vivaient l'activité, puis la conception du loisir des adolescents. Donc ça, c'est des grands thèmes que je vais vraiment vous détailler à travers la chronique de ce matin. Parce qu'il disait... Ces éléments-là ont été un peu abordés. Là, on les aborde davantage sur le territoire de Joliette, comme je disais tantôt, avec les 12-17 ans. Puis on voulait spécialiser aussi avec leurs réels besoins et attentes. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, ils ont fait une étude à Joliette avec les 12-17 ans. Et cette population-là, vous savez quel pourcentage de la ville ça représente, les 12-17 ans? Allez, c'est un coup, c'est un coup. Joliette, 20%. 22! Non, c'est 6%. Oh, c'est vieillissant. Oui. C'est vraiment... Ben, 12-17 ans, c'est quand même une petite tranche dans... Il y a des plus jeunes, il y a des jeunes adultes aussi, 18-30 ans. Il y a quand même des enfants. Là. Mais reste que c'est un 6%... Ils ont mangé. C'est un 6% de cette ville qui n'est pas non plus une métropole et que si on veut les garder, à un moment donné, il faut répondre à leurs besoins. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'ils ont mis de l'avant. Pour ce faire, ils ont fait des groupes de discussion. Ils ont décidé d'en faire 14 avec des jeunes de 12-17 ans. La moitié, à chaque groupe, là, il y avait la moitié des jeunes qui pratiquaient aucune activité de loisir et la moitié qui en pratiquaient plus qu'une dans leurs activités extrascolaires. Puis ça, c'est important parce que souvent, on dit « Ah, une étude a été menée de l'avant », puis là, ça aurait été avec toutes des personnes impliquées. C'est plus représentatif. Okay, c'était ciblé. C'était vraiment ciblé. Ciblé que dans chaque groupe de discussion, tu as la moitié des gens qui font aucune activité puis l'autre moitié qui en pratique relativement beaucoup. Donc, on voulait vraiment connaître leur réalité. Pourquoi, toi, tu pratiques rien? C'est parce que t'es pas au courant? C'est parce que t'aimes pas ce qui est présenté? C'est quoi tes limitations, tes freins et tout? Je pensais que t'allais dire si tu passes tes pauvres, non? Mais... Ben, ça aussi, ça peut être un élément, l'accessibilité financière. Donc, il y a eu des groupes de discussion avec des jeunes. Donc, ça a touché 72 adolescents au total. Puis, il y a eu des groupes de discussion avec des acteurs locaux. Donc, ces acteurs locaux-là étaient du milieu scolaire, du milieu du loisir associatif, des gens en politique, en économie, en santé, ainsi que des parents. Donc, ça faisait vraiment le tour de la sphère des points de vue, puis ça mettait de l'avant des éléments vraiment intéressants que je vais vous ressortir dans les résultats. Donc, tout d'abord, dans les résultats, je vais vous faire la comparatif entre ce qui est ressorti des groupes de discussion des jeunes et celui des adultes. Donc, c'est vraiment intéressant, des fois, le clash qu'on voit. Concernant les formes de loisirs, les jeunes mentionnaient qu'à 12-13 ans, de jouer, le concept de jeu était vraiment encore important et présent. Ils ne voyaient pas ça comme réservé aux enfants, ils en avaient besoin. 14-15 ans, là, jouer, c'est pour les plus jeunes. Ah. Fait qu'ils se retournaient plus vers des outils technologiques. Fait que là, on voit beaucoup le retour vers l'ordinateur, vers les jeux vidéo. C'est une période vraiment intense là-dessus. Et 16-17 ans, on commence à perdre les jeunes parce qu'ils commencent à travailler. Donc, c'est comme si, dans leur peu de temps en dehors de l'école, ils consacraient plus à commencer à se faire de l'argent qu'à se garder du temps pour eux, pour leur développement, pour leurs implications. Donc, c'est vraiment la réalité, le portrait des 12-17 ans. Il a aussi été mentionné, je trouvais ça vraiment intéressant, que les jeunes, de soir, de semaine, faisaient des activités intérieures et de fin de semaine, plus extérieures avec leur famille, leurs amis et tout. Puis que le type d'activité, au final, c'est pas la saison qui allait déterminer si elle allait être en dedans, ben à l'intérieur ou à l'extérieur. C'était vraiment le type d'activité. J'aurais vraiment pensé que ça allait être la saison, parce que l'hiver, ça sort moins. Exactement, ouais. Mais ils ont vraiment prouvé à travers les discussions, à travers les questionnaires, à travers tout, que c'est vraiment l'activité. Fait qu'on s'en fout qu'elle soit en dedans ou en dehors. Si tu réussis à capter l'intérêt du jeune, tu peux l'amener n'importe où. Ouais. C'est pas ce qui va le freiner. Puis, concernant justement ces formes de loisirs-là, les parents, eux, ils mentionnaient que c'était clairement influencé par le milieu familial, par le milieu parental. Et ils se questionnaient eux-mêmes à savoir, puis on n'a pas de réponse, là, jusqu'à quand ils sont supposés organiser les activités de leurs enfants. Parce qu'au début, tu dis, je veux les initier, je veux qu'ils essayent plein de choses, je veux pas qu'ils restent assis chez eux. Là, je t'oblige à t'inscrire à une activité de loisir, je t'oblige à faire un sport. Tu sais, au début, il y a une espèce d'obligation, dépendamment du tempérament de l'enfant. Des fois, ouais. Par lui-même, l'enfant, il faut que tu le canalises parce qu'il en ferait 200 activités. Mais il y a beaucoup que c'est les parents qui les initient au milieu du loisir. Et ça prend ça parce qu'après ça, ils se mettent à aimer ça. Mais jusqu'à quand tu les encadres? Jusqu'à quand, entre guillemets, tu les obliges à faire de quoi? Est-ce que tu dis, OK, à 12 ans, c'est beau, s'il veut pas en faire, il veut pas en faire? Est-ce que. Donc, les parents s'interrogeaient beaucoup là-dessus. Les acteurs du milieu scolaire mentionnaient qu'il y avait beaucoup d'impact dans les familles d'enfants, tu sais, les parents divorcés. Parce qu'en ayant deux maisons, pas toujours sur la même rue, bien, les jeunes, soit qui ne faisaient pas du tout d'activité parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de voyager d'un à l'autre de semaine en semaine pour les activités hebdomadaires, ou encore ils faisaient plusieurs activités, mais non structurées. Dépendamment si c'était chez papa ou chez maman, il y avait des pratiques différentes. Est-ce qu'il y en a un qui est plus proche d'un terrain de soccer, un plus proche d'une piscine? Ça avait un impact. Puis, c'est ça. Il y en a qui mentionnaient aussi que c'est pas un manque de temps chez les jeunes s'ils en font pas. C'est souvent de revoir avec eux ou de revoir leurs priorités parce que t'es un jeune, t'as plein de possibilités. Des fois, t'as de la misère à canaliser. Peu importe l'âge, t'as beaucoup trop d'activités. Hein. Oui. J'ai confirmé. Oui. Donc, ça, c'était concernant les formes de loisirs. Maintenant, concernant les bienfaits qui étaient retirés, donc on se cachera pas que tout le monde, même les 12-17 ans, recherche le plaisir, la quête de liberté, des apprentissages à travers leurs pratiques et qui axent beaucoup sur « ça me permet de me changer les idées, de me décompresser puis d'améliorer ma concentration ». On l'a vu aussi par les cours d'éducation physique dans une école, quand le jeune a comme des pauses entre ses matières de base qui sont derrière un bureau, qui peut aller courir, qui peut dépenser son énergie, il revient, il est beaucoup plus concentré. Quand dans une période d'études, tu te permets des pauses, « je vais faire un cours, je vais me changer d'idée, je vais écouter un film, peu importe », tu reviens plus focus parce que tout ton stimuli d'aller bouger, il a été dépensé. C'est comme quand t'écoutes Assemblage requis, t'apprends ben trop d'affaires, faut que t'arrêtes une fois de temps en temps, tu mets ça sur pause sur ta radio. Donc, nous allons à la pause! Okay. C'est pas vrai! Puis ça, c'est ce que les jeunes mentionnaient. Maintenant, ce que les parents mentionnaient, les parents et les adultes dans les groupes de discussion concernant les bienfaits, c'est que les jeunes connaissaient probablement les bienfaits que ça pouvait retirer, sauf qu'ils n'avaient pas nécessairement expérimenté. C'est une période de leur vie où est-ce qu'ils commencent à se découvrir et à découvrir plusieurs activités. Donc, de permettre, par exemple, dans un milieu scolaire, d'offrir des activités parascolaires, permettait un milieu de vie stimulant et leur permettait beaucoup d'initiation. Donc, ils allaient rechercher ces bienfaits-là. Là, on peut retrouver le plaisir, la liberté et tout. Donc, ça, c'est un élément intéressant à connaître de la part des jeunes pour mettre en place de la part des adultes. Puis, voilà. Maintenant, concernant les besoins en matière de services récréatifs, on a remarqué de la part de ce que les jeunes nous mentionnaient, que c'est beaucoup axé sur le sport de compétition à cet âge-là. Rendu à 12-17 ans, tu ne te spécialises plus en faisant 10 sports comme quand tu avais 8 ans et tu essayais un peu ici et là ou des cours multisports. Tu vas en choisir un, tu vas en choisir deux, puis tu vas y aller plus précisément, tu vas faire plus de compétition et autres. Puis, les parents mentionnaient que les besoins étaient beaucoup axés sur le fait que les jeunes étaient influencés par leurs amis, étaient influencés par le plaisir. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment, en sachant que c'était avec les amis, en sachant qu'il y avait juste un sport, de prendre en considération ça pour mettre en place les services requis. Concernant les freins, tout à l'heure, Lorraine mentionnait l'accessibilité financière peut être un élément. Ça ne veut pas dire que le parent est prêt à payer pour toi, mais tu ne travailles pas nécessairement. Des fois, les cours ne sont pas accessibles. Les jeunes ont mentionné aussi que la qualité de l'animation n'était pas toujours à leur hauteur. Soit comme l'assemblage requis encore. Oui, nous sommes un heure de grande écoute. Excuse-moi les heures de grande écoute. J'ai oublié ceux-là. Donc, la qualité de l'animation, c'est soit l'attente du jeune envers le cours, soit qu'il trouve ça trop bébé, soit qu'il trouve ça trop difficile. Donc, ils sont à un âge où est-ce que les jeunes ne sont pas tous au même niveau pour une même tranche d'âge. C'est très difficile d'offrir des activités qui conviennent à tous. Puis, les jeunes disaient qu'il y avait peu d'activités axées pour les adolescents dans la programmation. Et un élément qui est surprenant, eux, ils aiment pas ça qu'en année en année, la programmation est pareille. Ah, par la ville. Tout le temps. Ils aiment la diversité, ils aiment la nouveauté, ils aiment essayer. S'ils aiment un cours, ils vont continuer de le faire au pire avec leurs amis. Ailleurs. Donc, la programmation visée pour les adolescents devrait arrêter d'axer sur la récurrence, mais vraiment plus axer sur la nouveauté et la diversité. J'imagine, si tu prends des cours de karaté, puis les cours de débutants, il y a juste du monde de 8-9 ans dans ton cours de débutant, mais oui. Si toi, t'as 15 ans, 16 ans, puis tu veux débuter le karaté, ça t'intéresse pas là, d'être juste avec des petits bouts de choux. Exactement, ça, c'est une réalité que quand t'es pas dans une métropole qui fait qu'il y a 250 personnes par groupe, s'il y a juste 3 inscriptions, on annule le cours. Mm-hmm. Mais des fois, ça serait de dire peut-être qu'on pourrait se le permettre de l'avoir, puis ces 3-4 jeunes-là sont faire boule de neige avec leurs amis d'année en année. Tu vois qu'à un moment donné, il n'y a jamais plus d'inscriptions. OK, tu changes, mais de laisser une chance aussi, parce que en se coupant ces 3 jeunes-là, 3 jeunes dans d'autres, tu sais, si chaque activité a 3 jeunes, tu les coupes toutes, tu réponds plus à personne au final. Donc, c'est ça. Et les jeunes mentionnaient aussi des fois au niveau de leur temps disponible, au niveau de la sécurité des activités. Puis les parents, ils ont mentionné qu'ils étaient surpris quand les jeunes parlaient de sécurité puis de temps. Puis les acteurs du milieu local, du milieu municipal ont mentionné que la sécurité était probablement plus une pression parentale. Que souvent, depuis qu'ils sont jeunes, ils sont habitués que « attention, c'est dangereux ». Donc les parents, inconsciemment, leur ont inculqué cette peur-là. Les jeunes arrivent puis le mentionnent, mais au final, est-ce que c'est vraiment un problème? Puis, au niveau du temps, ils ont été surpris que les jeunes disent ça parce qu'ils ont beaucoup moins d'obligations que... Tu sais, c'est des 12-16 ans, ça veut pas dire qu'ils travaillent. Ouais. Pourquoi tu manques de temps dans ta journée? Qu'est-ce l'école que tu finit fais? Tôt quand t'es jeune. L'école est à 3h. C'est plutôt papa et maman veulent savoir quand est-ce les livres. Fait que c'est de revoir les priorités au niveau du temps. Maintenant, concernant la qualité de l'aménagement des lieux de pratique de loisirs, on a vu qu'il y avait une grosse problématique pour l'accessibilité géographique en milieu rural comme à Joliette. OK, à un moment donné, tu as un centre sportif qui convient à une certaine population. Dès que tu es un peu plus en banlieue, un peu plus rural, tu es à une période où tu n'as pas nécessairement un permis de conduire, tu ne peux pas t'y rendre, tu dépends de tes parents, tu dépends du transport. Donc ça, c'était plus difficile. Puis dans ces milieux-là, quand, par exemple, notre population, c'est 6%, est-ce qu'on va mettre en place un terrain de soccer? Est-ce qu'on va mettre en place des grosses infrastructures? Souvent, on remet en question, mais de ne pas les mettre en place, ça fait que les jeunes ne le pratiquent pas. Tu sais, c'est cercle vicieux à un moment donné. Fait que un des éléments intéressants qui a été mentionné par les acteurs du milieu municipal, c'est de dire, OK, on met en place un terrain de soccer, puis par exemple, peut-être que nous, on n'a pas assez de gens dans notre ville pour... Si on veut le rentabiliser, mais tu fais affaire avec les villes aux alentours, tu essaies de trouver une ville centrale, tu améliores ton système de transport qui se rend directement au lieu de pratique sportive, et là, tu aides les gens. Il faut que tu vois leurs différentes problématiques. Là, c'est le transport, c'est les infrastructures. Puis, les jeunes ne se considèrent pas assez sollicités dans les décisions qui sont prises concernant l'aménagement, l'animation des activités de loisirs. Ils disent, ça nous concerne, on ne nous le demande pas, mais on nous le demande après quand la programmation est sortie. On nous le demande après quand l'édifice est bâti ou pas. Donc, voici une piscine. Ils aimeraient s'impliquer, mais ils constatent qu'on ne leur donne pas assez le micro. Concernant ce que les parents et les adultes disent à cet effet-là, Ils ont parlé, eux autres aussi, de l'accessibilité qui était difficile parce que eux, c'était eux le taxi pour le jeune de 12-14 ans, beaucoup. Puis on parlait aussi que souvent, on axe beaucoup les centres sportifs sur des normes nationales, internationales qu'on a, entre guillemets, pas le choix. Mais des fois, en axant sur ces normes-là, on est tellement rendu pointu dans certains éléments du centre sportif qu'on répond même plus aux besoins de base de pourquoi on l'a construit pour la population. C'était quoi les vrais besoins? Les jeunes, au début, ont demandé un skatepark. On a fini avec un centre sportif avec plein d'affaires, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Toujours pas de skatepark, ben. Fait que tu sais, à un moment donné, oui, il faut respecter les normes, mais il faut pas oublier le besoin de base qui a mis le projet sur la table. Puis on parlait aussi, les adultes, des filles rendues à cet âge-là, on les perd dans le milieu sportif, dépendamment de comment on aborde l'activité, comment on offre les activités. Souvent, c'est un âge où est-ce que si on les perd là, ils recommenceront pas le sport à 25 ans. C'est comme la science, c'est comme les ordinateurs, c'est comme les gadgets, c'est comme n'importe quoi. Si tu perds les filles dès le départ, tu t'es récupéré. Mais le milieu du sport est vraiment marqué par la perte des filles à cet âge-là. Donc, ce serait intéressant au pire de mettre une programmation en place pour filles ou autres. Puis pour filles, ne veut pas dire genre du ballet jazz. Non, c'est pas ce qu'on veut la dire, fille peut vouloir jouer au hockey c'est comme ça. Le garçon peut vouloir faire du cheerleading ou faire de la danse. Pis... Faut juste explicitement inclure. Exactement, tout le monde. Faut inclure, faut pas exclure, faut rendre accessible autant comme. Tu sais, on parle d'accessibilité, on pense souvent à une personne en fauteuil roulant, mais c'est de rendre accessible financièrement, c'est de rendre accessible pour le matériel, c'est de rendre accessible pour les deux gars et filles. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Exact. Puis, le dernier élément, c'est concernant l'implication sociale, l'implication bénévole des jeunes dans la communauté. Les jeunes ont mentionné qu'ils aimaient ça parce qu'ils se sentaient utiles. Ils trouvaient des bienfaits pour eux, mais pour les gens qui aidaient aussi à travers ça. Puis qu'on a remarqué que c'était occasionnellement que les jeunes s'impliquaient. C'est pas tous les lundis de 5 à 8, je m'implique, non. Non, s'il y a un festival, parfait, je vais aller aider. Il y a une levée de fonds, parfait, je vais aller aider. Puis que c'est beaucoup les familles et les amis qui vont les influencer à s'impliquer. Donc, si on peut faire effet boule de neige, c'est de convaincre aussi à un moment donné les têtes influentes, puis let's go, tout le monde embarque. Les adultes ont mentionné que, ouais, mais les jeunes sont beaucoup moins impliqués que les aînés. Bon, on va mettre une chose au clair. Si tu compares avec les aînés qui sont présentement aînés, ils ont plus de temps, ils ont plus d'expérience, puis ils sont plus autonomes, que ce soit pour le transport, que ce soit financièrement. C'est plus facile pour eux de s'impliquer. Maintenant, si tu parles de ces aînés-là quand il y avait l'âge de 12-17 ans, là, on parle d'une autre époque. On parle d'une époque où est-ce que la religion était plus présente. Mm-hmm. On parle d'une époque où est-ce que tu gagnais ton ciel. Il fallait que tu aies aidé pour l'Église. L'action paroissiale. Oui, exactement. C'était, t'as pas le choix d'aider ton prochain. C'était un devoir moral. Donc, c'était déjà une autre mentalité, une autre réalité. Tu peux pas comparer. Là, ils sont arrivés quasiment en tapant sur la tête des jeunes en disant « Mais voyons, ils sont moins impliqués. » Prends en considération tous les éléments avant d'attaquer. Apprenez-leur plutôt que leur taper sur la tête. Exactement. Puis, ils ont dit, OK, les jeunes disent qu'ils veulent plus s'impliquer, qu'ils veulent qu'on les prenne plus en considération, mais ils s'engagent moins qu'avant. Fait que là, c'est une question qui mène un peu à notre conclusion de dire, on veut valoriser l'implication des jeunes, on veut les inclure non seulement dans la programmation pour leur offrir des activités qui leur conviennent, mais les impliquer dans les décisions, les impliquer dans tous ces éléments-là. Est-ce qu'en les impliquant, ils vont plus participer. Tu sais, c'est... Vous comprenez un peu le cercle vicieux par rapport à ça. Ils veulent être impliqués, on les implique, ils s'impliquent moins. Faudrait essayer. Donc, ça, dans les conclusions, c'est vraiment une ouverture sur l'essai d'impliquer davantage les jeunes dans les décisions. Que les impliquer, ça veut pas leur dire « OK, on le rentre dans le conseil d'administration, on lui donne les tâches plates, puis il a pas le droit de voter. » Non. Si tu veux l'impliquer, implique-le pour vrai. Avec lui aussi son droit de parole, lui aussi son droit de vote, lui aussi des tâches qui va le valoriser puis qui va dire « Regardez, j'ai une idée » puis qu'on essaye aussi ses idées. Il faut garder en tête que c'est des jeunes qui sont là pour découvrir, pour expérimenter des nouvelles choses. Puis que tous les vieux, en guillemets, ont déjà été jeunes pour leur laisser une chance. Fait que là, vous monopolisez certains postes de décision, mais si vous voulez une relève, à un moment donné, il faut commencer dès qu'ils sont jeunes. Ils ont le droit, à cet âge-là, de faire des erreurs. Vous les accepterez plus, ces erreurs-là, quand ils vont avoir 30, 20 ans, peu importe. Mais 15 ans, laissez-leur une chance. Fait que voilà. Voilà, laissez-les essayer des affaires. Lancez les enfants, ces murs, s'ils collent, sont al dente. Oui! Wow. Non? Merci, Marie-Laure Saudet. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, à 8h pour notre collègue Le Loisir bien plus qu'un jeu. Exactement, c'est le nouvel horaire. Oui, nouvel horaire, oui. C'est vrai, c'est pas une case spéciale. Non. Faut le dire. Maintenant, c'est tous les jeudis à 8h. Chaque semaine, pour deux semaines. À chaque semaine. Chaque semaine. Jeudi 8h. Merci, Marie-Laure. Merci, Mathieu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Un facteur pourrait avoir percé le mystère des pyramides, hein? Il y a des milliers d'archéologues qui comprennent rien. Ça va être un facteur qui va vous expliquer comment ça fonctionne, ces patentes-là. Donc, des égyptologues de renom se penchent sur la théorie d'un facteur français. Il serait parvenu à expliquer la construction des pyramides d'Égypte. Comment les Égyptiens sont-ils parvenus donc à hisser ces pierres de plusieurs tonnes pour construire les fameuses pyramides? Le mystère n'a jamais été résolu, mais Michel... Il s'appelle Michel. Wow! C'est génial. Donc, Michel, un postier français, aujourd'hui, vous avez vu, hein, je me fais un plaisir avec rien. Mais Michel, un postier, donc, aujourd'hui à la retraite, pense avoir trouvé la solution. Et sa théorie ne semble pas farfelue, puisque des experts renommés, dont l'égyptologue suisse Michael E. Abich, le soutiennent. Pour bâtir, il suffisait d'utiliser des rampes sur lesquelles on tirait des traîneaux chargés de pierres. L'astuce consistait à construire des rampes en pierre plutôt qu'en briques, puis à transformer la structure initiale en pyramide lisse. C'est ce qu'a expliqué l'égyptologue amateur au quotidien Ouest France le 4 janvier dernier. Michel a abouti à cette conclusion en 2012, mais ce n'est que très récemment qu'il a été pris au sérieux par le milieu académique. Le chercheur suisse Michael E. Abich, qui est de l'Université de Zurich, l'a invité à participer en décembre à la revue Hunder dem Spiegel der Nécropole. Depuis, des experts de renom se penchent sur ses travaux. Comment un agent de la poste est-il parvenu à élaborer une telle théorie? Eh bien, via un simple ordinateur ainsi qu'un logiciel de 3D qui est gratuit, donc en open source. L'égyptologue amateur espère désormais recevoir l'aval d'une communauté scientifique encore plus large. Génial! Ici, des nageurs dans les eaux glacées du Bosphore pour fêter notre joyeuse épiphanie d'aujourd'hui. Donc, malgré le froid et la neige, une poignée de fidèles de l'Église orthodoxe se sont sacrifiés mardi à la tradition en se jetant à Istanbul dans les eaux glacées du détroit de Bosphore. Donc, devant une centaine de curieux ou de fidèles, 15 nageurs grecs, bulgares ou turcs, parmi lesquels une femme, ont piqué une tête première dans une eau à 10 degrés Celsius depuis les rives de la Corne d'Or pour récupérer une croix lancée à la mer par le patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomé. Premier. Ça, c'est comme l'autre pape, parce qu'il y a deux papes sur la planète, je ne sais pas si vous saviez. Il y a le pape François et le pape de l'Église orthodoxe de Constantinople, c'est Bartholomé Ier. Et il y a Bart Simpson, mais ça, c'est un autre dossier. Les chrétiens orthodoxes célèbrent chaque 6 janvier l'épiphanie, qui marque pour eux le baptême du Christ. Cette année, un nageur bulgare a été proclamé vainqueur de cette course à la croix. Il dit, je le cite, « J'ai déjà sauté 20 fois pour le Christ, c'est ma tradition. Et il s'est identifié sous le prénom de Baba, un spécialiste de l'épreuve qui a rappelé avoir déjà plongé en Bulgarie, en Macédoine, en Grèce, en Roumanie et en Ukraine. C'est un sport, c'est une tradition, comme il dit. Depuis la première fois que j'ai plongé, à 18 ans, j'ai toujours eu la chance et un bon travail. J'espère que mon saut va apporter cette chance et cette santé à ma famille. Par mesure de sécurité, des plongeurs professionnels en combinaison ont eux aussi barboté avec les plongeurs qui sont tous ressortis du Bosphore sans encombre. J'ai trouvé que l'eau était chaude, a même plastronné Baba. Aucun des spectateurs n'a senti le courage de le vérifier. Par contre, ce qu'il faut dire, 10 degrés, c'est pas si pire. Va sauter ici en ce moment dans le fleuve. Peut-être que ça va être un petit peu plus froid que ça. Une histoire d'eau, mais qui en a plus. Un phoque retrouvé dans un champ à 30 km de la mer. OK. Ce sont les services de secours britanniques qui ont récupéré lundi un phoque épuisé. C'est clair, avec des petites jambes, des petits bras, des petits moignons pour avancer comme ça. C'est pas évident. Donc, le phoque... Attends un peu. Il a été découvert par une femme qui promenait son chien. Ok, les photos du phoque étendu dans l'herbe ont vite fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux curieux se sont rendus dans le pré de Newton le Willow pour l'observer. L'hypothèse la plus probable est que le jeune phoque mâle soit remonté par le fleuve Mercy à partir de la mer d'Irlande avant de s'échouer dans ce village. Aidé par un fermier de la région, les secouristes munis de balais et avec des poissons comme appât ont fait monter le phoque dans une remorque. L'animal a été amené dans un hôpital pour animaux sauvages afin d'être examiné. Il était dans un état d'épuisement la police indique qu'une fois qu'il aura récupéré, il sera relâché dans son habitat naturel. Belle histoire! Allez voir les photos de cette histoire qui est quand même assez improbable. Ici, un ticoun qui se promène avec sa BMW, fait le malin et se crache. C'est juste ça, c'est en vidéo. Allez voir ça, ça se passe dans la ville de Danville, aux États-Unis. Ce jeune conducteur a bêtement endommagé son véhicule en voulant impressionner les badauds présents sur le trottoir. Hein? C'est exactement ce que tu mérites, ça s'appelle le karma. En réalisant une forte accélération au volant de sa superbe et rutilante BMW M4, notre champion du jour a perdu le contrôle de son bolide et a fini sur le terre-plein central. Bravo! Ici, une jeune femme, une Polonaise de 19 ans, qui a été opérée au cerveau à l'hôpital de Katowice, je sais pas, mon polonais est pas tellement fort, pendant les fêtes. Alors que les chirurgiens procédaient à l'intervention, la jeune fille s'est réveillée et a entrepris avec les chirurgiens une discussion sérieuse sur les chats. La jeune Polonaise qui subissait l'ablation d'une tumeur cancéreuse au cerveau s'est réveillée par... s'est réveillé passagèrement en pleine opération. Selon le journal, son premier réflexe a été de demander au chirurgien si tout se passait bien. Les praticiens ont ensuite parlé de chat avec elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme. En dépit de sa boîte crânienne qui était ouverte, la jeune femme n'a vraisemblablement ressenti aucune douleur. Et selon les médecins, elle n'a jamais été en danger. Iga Jessica, c'est le nom de la jeune fille, lors de son réveil, en définitif, ne se souvenait que de très peu des conservations qu'elle avait eues sous anesthésie. La jeune femme s'est dite heureuse d'avoir été opérée. Elle dit « J'ai manqué Noël en raison de cette opération, mais c'est le meilleur cadeau que l'on pouvait me faire, car je me sens mieux maintenant. » Les réveils sous anesthésie procèdent de deux facteurs principaux, soit la quantité de produits hypnotiques injectés qui est surdosée et le patient se réveille sans pour autant ressentir de la douleur, ce qui était probablement le cas de cette jeune Polonaise. Mais un patient peut aussi se réveiller quand il a éliminé trop vite les substances injectées pour lutter contre la douleur, comme l'explique Medicite ou Medicite. Il le peut alors ressentir de vives douleurs. Belle histoire! Ici, incroyable réaction en chaîne pour un coup de pub chez Pepsi. Pepsi, donc, a fêté le passage de l'année à l'année 2015, donc avec une vidéo surprenante. La marque a créé une réaction en chaîne avec 2014 pièges à souris et 2015 balles de ping-pong. Eh bien oui, comme le nombre de pièges à souris 2015 et la quantité de balles de ping-pong nécessaire à l'élaboration de la réaction en chaîne voulue par Pepsi, une petite balle blanche propulsée en l'air au moyen d'un piège à souris qui a été déclenché en percutant le sol jonge des pièges à souris, un véritable feu d'artifice de petites balles blanches, donc une balle qui tombe sur une autre et là ça déclenche tous les pièges à souris. L'une d'entre elles passe par un goulet pour venir faire exploser à un niveau inférieur d'autres balles de ping-pong également positionnées sur des pièges à souris. Nouvelle explosion, cette fois-ci aux couleurs de la marque bleu, blanc, rouge, hein, plus original qu'un feu d'artifice et tout aussi convaincant. Et une bonne pub, bien, je vous en parle, c'est rare que je parle de liqueur douce. Et finalement, avant d'aller en musique, je vous parle de cet alien qui s'est éjecté de son ovni en feu, c'est vrai, on l'a vu sur Internet. Posté le 5 janvier, donc hier, l'incroyable vidéo d'un mystérieux phénomène aérospatial fascine les foules. Pour les moins sceptiques, pas de doute possible, c'est sûr que c'est ça. Ces images montrent bel et bien le pilote d'un ovni qui s'éjecte de son appareil en feu. Que s'est-il vraiment passé dans le ciel de la Californie? Une vidéo réalisée par un certain Ken Robert est postée hier et qui avait déjà généré près de 1,5 million de visionnages en fin de matinée révèle en effet un phénomène assez fascinant. Dans un ciel dépourvu de nuages et relativement sombre, une spectaculaire boule de feu semble s'abattre vers la surface terrestre. Si le spectacle est impressionnant, il ne révèle pas du tout du paranormal. Des chutes de météorites ou de débris spatiaux provoquent régulièrement de telles apparitions.

Non, non, mais ça, c'était des, je parlais en l'air. Moi. Je vais consulter mon équipe. Je vais pas décider ça tout seul. Hein? Consultez-vous. C'est ça. Merci. Je t'ai répondu. J'ai dit je m'entorche. M'entorche comme toujours. Bref, c'est la phrase clé. Laurent, toi, t'as pas de phrase clé encore? Fallait t'en trouver une. Lui, c'est vous avez chacun votre phrase clé. Il y a le je m'entorche et le... Moi, c'est quoi? C'est pas scatologie. Là, moi, scatologie. Moi, c'est j'ai une grosse graine. C'est ça. Toi, ça. C'est check mon pantalon. Check mon pantalon. Ben, je vais essayer de trouver quelque chose de plus poli. Ok, c'est bon. Moi, c'est vrai que nous, on n'a pas de classe. Vraiment. En fait, c'est toi qui m'as imposé cette phrase-là parce que je le dis pas vraiment. Elle a dit une fois sans faire exprès en ondes, je m'entorche, tu sais. Mais elle le dit dans la vie de tous les jours. Elle essayait de dire je m'en sers. Mais je le dis pas tant que ça dans la vie de tous les jours. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça. Fait que moi, je l'ai amené en ondes, puis dorénavant, c'est sa phrase. Mais je le dis pas tant que ça en ronde, là, je le dis. Je dois l'avoir dit une ou deux fois parce que je trouvais ça cocasse. Par semaine, moi, à peu près. Non, ça m'a marqué. Ça m'a juste marqué. Ça m'a marqué parce que je trouvais ça beau. Je trouvais ça drôle. Beau! Non, mais c'est que toi, j'aime ça, moi, donner des personnalités aux gens qui veulent pas avoir. C'est comme, mettons, pendant un bout, Steph, c'était la Soulonne gaspésienne. Mais là, je suis mormone, fait que je peux plus voir. Et rendu mormone, sa religion ne permet pas. Jean-Philippe Charbonneau des Palmarès, c'est fou. Lui, c'est le gourmand, les ailes de poulet tout le temps. Donc, il était en train de manger des ailes de poulet puis c'est chez lui. Celebration good time, comment? Celebration good time, comment? Fait que bref, je donne des personnalités aux gens qu'ils le veulent ou non. Ah, ok, c'est personnalité imposée. C'est ça, mais c'est du théâtre, c'est de l'improvisation. Faut donner des caricatures. C'est comme si on était dans Symphorien. Faut que chaque personnage a sa caractéristique. Ok. C'est qui le straight man dans votre équipe? Puis le... D'habitude, c'est supposé être moi. T'sais. Ok, je pense. Je pense. Ouais. En tout cas, bref. Accepte ton rôle. Ça va être tout pour une grosse pointe en dresse. On fait ça habituellement les mercredis aux deux semaines en alternance avec Master Steph dorénavant. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va être capable de s'en tenir à juste une chronique aux deux semaines pour une grosse pointe en dresse? Sûrement pas. On verra dans le temps comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Des petites astuces que je vous conseille, parce qu'on le sait, hein, puis on a raison de le faire, on habite au Québec, on est dans un pays grand nord, et puis il fait frette, on l'a dit. L'hiver au chaud sans se ruiner, est-ce que c'est possible? Pas vraiment, mais quand même, je vous envoie quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider à vivre avec cette saison qui est peut-être pas facile. Donc, on y va tout de suite avec, premièrement, eh bien, l'hiver, c'est l'hiver. Hein? Un t-shirt à la maison, quand il fait moins 25 dehors, moins 30, moins 40 avec le facteur vent, c'est peut-être pas l'idéal. T-shirt puis short, quand il fait beau, parfait. Donc, enfilez donc un chandail de laine, un coton ouetté, une couette, des pantoufles. N'oubliez pas vos pantoufles. L'idéal pour alléger la facture, mais aussi pour l'environnement, c'est de mettre le thermostat à 20 degrés et d'enfiler des vêtements chauds. Hein? On est bien tout en mitouflé dans du mou. Hein? Pourquoi pas? Culotte de jogging, combine, etc. Profitez donc de la belle saison pour vous en mitoufler. La nuit, eh bien, l'idéal, c'est beaucoup de couvertes, des couettes chaudes et un thermostat qui descend un petit peu. Donc, version nuit, ce conseil vous permet encore une fois d'économiser de l'énergie, mais aussi de préserver votre santé. Le sommeil est bien meilleur quand la température est fraîche. Vous pouvez même couper le chauffage et entrouvrir la fenêtre si la température et le bruit extérieur le permettent. Ça, c'est peut-être un petit peu exagéré. Dans certaines nuits, on peut le faire. En ce moment, c'est peut-être pas l'idéal d'ouvrir une fenêtre. On peut comprendre. Autre truc, et ça, je vous dirais que c'est un des meilleurs des trucs, invitez vos amis chez vous, invitez vos amis à souper, à manger en famille, à manger entre amis, à la gang, c'est vraiment le fun. Chacun de nous dégage en moyenne une puissance de 100 watts. Une soirée avec 8 personnes va émettre l'équivalent en puissance d'une plainte électrique d'environ 800 ou 1000 watts. Tu sais, une vraie plainte électrique d'environ 1 mètre, 1 mètre et demi. Rentable, attention cependant, quand on fait les bye-bye, là, puis les Tibet, puis on fait ça la porte fermée. On fait pas ça la porte ouverte, hein, parce que si la porte reste ouverte longtemps et qu'on jase à moitié dehors, à moitié dedans, au moment de se dire au revoir, toute la chaleur gratuite accumulée pendant le souper va disparaître. Hein? Bonne idée, donc, inviter des gens à la maison, c'est le temps des rassemblements, c'est le temps. N'allez pas au restaurant. Quatrième petit conseil, n'allez pas au resto, ça donne rien. Cuisiner, faites une pierre deux coups en cuisinant au maximum. La chaleur dégagée par votre cuisinière vous permet de baisser le thermostat. Mais en tout cas, si pas le baisser, on n'est pas obligé de baisser le thermostat. Il va juste moins partir vite, hein? On peut comprendre. Si vous vous lancez dans une fondue, une raclette ou bien des crêpes, le chauffage est assuré. La confection de confiture est aussi une bonne solution. Les sauces à spaghettis, les pâtés, les ragoûts, les plats en mijoteuse, les trucs qui cuisent longtemps, ça va réchauffer votre cœur, ça va réchauffer votre maisonnée. Autre petit conseil pour vous réchauffer en plein hiver, eh bien, habillez vos portes et fenêtres. Ah, des petits travaux en perspective, rien de colossal. On parle de stores ou de rideaux. Leur effet n'est pas spectaculaire, bien moins que celui des volets complets ou même des plastiques. Et cela ne permet pas d'économiser de l'énergie, mais ils retiennent une partie du froid venu des vitres. On vous le conseille dans notre programme. Si le soleil est resplendissant, ne pas les utiliser pendant la journée, sauf pour la sieste, sous votre couette bien chaude. Il faut permettre aux rayons du soleil de chauffer la maison. Donc, dans le jour, on ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres. On n'ouvre pas les fenêtres. On ouvre les rideaux. On ouvre les stores. On ouvre ce qui habille la fenêtre. Et la nuit, on ferme ça. Et puis ça, c'est facile à voir. Moi, à côté de ma chambre, à côté de mon lit, j'ai une grande fenêtre. Puis sérieux, quand mon rideau n'est pas fermé, il fait beaucoup plus froid dans la maison. Pas dans la maison, mais dans la chambre. Comme ils disent, ça descend pas vraiment la chaleur, mais on n'a pas la chaleur autant directe. Parce qu'une petite vitre, là, c'est assez mince pour se protéger d'un gros, gros froid méchant, méchant. Sixième petit conseil pour réussir à s'acclimater à l'hiver, finalement. Eh bien, si besoin, faites l'acquisition d'une pellicule plastique. Hein, on en trouve chez n'importe quel quelqu'un. Cahier et ça marche. Posée sur la totalité de l'ouverture, la pellicule limite les entrées d'air froid. Bien sûr, deux inconvénients majeurs, cependant, l'esthétique, hein, premièrement, et le fait de ne plus pouvoir ouvrir la fenêtre. Bref, un bon plan en cas de très grand froid et à ne poser que sur quelques fenêtres, pas sur toutes les fenêtres. Il faut quand même pouvoir aérer de temps en temps. Et puis, il y a certains endroits que ça ne donne rien. Si vous avez une bonne isolation autour des fenêtres, des fois, ça peut... La différence va être à peu près inutile et ridicule. Autre petit truc, calfeutrer la maison. Il semblerait que les courants d'air venus du sous-sol et ou du toit qui refroidissent la maison sont les plus fréquents. Gros travaux en perspective, mais ça vaut tout de même le coup de calfeutrer tout simplement les portes et fenêtres. Vous trouverez un tas d'informations sur plusieurs sites Internet. Sinon, ça c'est vraiment un bon truc. Cette année, on peut pas bien le faire avec les périodes de redoux qu'on a eues, la pluie qu'on a eue, mais ça c'est quelque chose à faire et que je fais presque à chaque année. Eh bien, garder la neige, ne pas enlever la neige qui s'accumule autour des portes et fenêtres, notamment au sous-sol. Elle a des vertus isolantes extraordinaires, la neige. Même ce que moi je vous conseille, c'est de rabattre la neige sur vos fondations. Hein, sur la fondation. Donc, s'il y a moins de neige, ben, on fait le tour de la maison, on rabat la neige sur la maison et puis vous allez réchauffer vraiment votre sous-sol. Ça, c'est sûr. En tout cas, si vous ne le réchauffez pas, vous allez l'isoler. Ça, c'est sûr. Et autre truc que ça, je fais depuis toujours et puis de toute façon, côté écologie, ça n'a pas été démontré. Côté économie d'énergie non plus. Les espèces de fluo compacts, mettez-moi ça au rancard, puis achetez-vous de bonnes vieilles ampoules incandescentes. Oui. Les ampoules incandescentes ont presque disparu des magasins, mais c'est pas vrai. Chez Rona, dans les magasins à une pièce, dans plusieurs magasins, les ampoules incandescentes existent toujours et elles chauffent, ces ampoules. Ben oui, un 100 watts, c'est un 100 watts. Quand vous avez une plainte électrique, là, souvent quand vous les achetez, il y a des 5, la plupart du temps, ça vient en 500, 750, 1000, 1500 et 2000 watts. Il y a rarement des plaintes plus fortes que 2000 watts. parce que tout simplement, le breaker de la maison peut juste en supporter deux comme ça, puis même pas parce que c'est un breaker de la maison, on peut supporter 4000 watts. Mais là, on est dans des détails techniques. Vous m'écrirez en perso si vous voulez plus de détails, parce que j'aime bien m'occuper de chauffage. Non, mais sans blague, donc une ampoule de 100 watts, si on en a 10 d'allumés dans la maison, c'est un 1000 watts de plus. C'est presque, c'est une plainte électrique de plus. Alors, ce n'est pas à négliger. C'était les petits trucs comme ça. Et si vous voulez isoler davantage votre maison en vous attaquant aux ouvertures, c'est vraiment une bonne idée. Sachez que l'argent investi sera rentabilisé par la baisse de votre facture d'hydro. Peut-être pas en un an, là, ça vous verrez pas l'économie, mais au bout de quelques années, c'est clair que oui. Entre autres, restaurez vos vieilles fenêtres, changez vos portes-fenêtres, puis aussi, vous pouvez installer des volets. Ça, moi, c'est le genre de truc que je voudrais. Tu sais, souvent, on a des volets qui sont simplement esthétiques. Moi, j'en voudrais des vrais. Sur ce, on continue, des résolutions. On y va-tu encore avec ça? Non, je ne vois pas avec ça. Ça me tente pas en ce moment d'aller faire des résolutions. J'aime mieux de rester dans le positif. Et la connerie, je vous parle justement, comme on arrive près de l'heure du dîner, je vous parle de McDonald's. Eh bien, McDonald's est à nouveau sur la sellette avec ses McCroquettes contenant du plastique au Japon. Comme on est surpris. Donc, les croquettes de poulet de McDonald's au Japon font de nouveau les choux gras des médias nippons et salissent l'image de la chaîne de restauration rapide après la découverte d'un morceau de plastique dans ce repas, déjà victime l'an passé d'un retentissant scandale sanitaire. Un client donc d'un McDo de la ville de Misawa s'est plaint samedi d'avoir trouvé un bout de cette matière non comestible dans une croquette issue d'une usine de Thaïlande, selon une porte-parole de la filiale japonaise du groupe américain. McDo a immédiatement ordonné que ces quelques 3100 restaurants de l'archipel ne vendent plus les croquettes provenant de cette même chaîne de production. Nous allons enquêter sur la façon dont cet impair a pu se produire, a précisé un porte-parole. Cet incident survient alors que McDo vient de faire face à un manque de frites au Japon à cause d'un mouvement social dans les ports aux États-Unis et ne s'est pas totalement remis d'un grave scandale de sécurité alimentaire en juillet dernier. Le groupe avait dû stopper l'importation et la vente dans l'archipel de tous les produits à base de poulet en provenance de Chine à cause des mauvaises manières de Yuzi Food Company, une filiale du groupe américain Aussie Group située à Shanghai, qui hésitait à ne pas utiliser de la viande périmée. Ah, que c'est ragoûtant. Cette crise qui a poussé McDo à s'approvisionner auprès de sites de production de volailles en Thaïlande. Et maintenant, je vous envoie un petit top de McDo qui s'adapte et surprend autour de la Terre. Connaissiez-vous le Ebifiletto? Eh bien, Ebi veut dire crevette et on y trouve donc une croquette de crevette agrémentée d'une sauce dite mille îles contenant oignons, olives, mais aussi de la laitue, de la moutarde et un petit buns au sésame, un petit pain au sésame. Sinon, le McTerritama. Le McTerritama, eh bien, c'est un porc laqué avec une sauce teriyaki au gingembre, un œuf frit, de la laitue et une sauce sucrée au citron. Le tour est joué. Teri vient de teriyaki, tama de tamago, qui vient de œuf. Son burger existe aussi au cheddar, ainsi qu'avec une sauce floraison des cerisiers au printemps. OK, mais c'est où qu'on peut le manger? Je ne le sais pas, mais je pense que c'est en Asie. Tout à fait, je pense que c'est tous des trucs de McDo Japon ou McDo Chine. Teriyaki McBurger, le même que le Teritama de porc laqué au gingembre, sauce teriyaki à l'ail, laitue, sauce et sauce au citron. OK. Chez nous, on parle de chez nous, mais c'est plutôt en France. Le mec baguette, plus français, tu meurs. Donc, c'est un hamburger McDo fait dans une baguette ciabatta, genre cheap, et des galettes de bœuf vraiment peu ragoûtantes. Le mec croquette, mais K-R-O-K-E-T, mec croquette. Donc, aux Pays-Bas, les Néerlandais sont très friands de croquettes. Peut-être sont-ils à l'origine du koroké japonais. On ne le saura jamais peut-être. Le Maharaja Mac. En Inde, McDonald's commercialise le Maharaja Mac, une sauce épicée, poulet au lieu et place de bœuf, et le tour est joué. Bien sûr, la vache est sacrée en Inde, donc on ne la mange pas. Le McLobster au Canada, McDonald's commercialise ce sandwich au homard. Au Canada, mais peut-être pas au Québec, je ne l'ai jamais vu, le McLobster.

clouds will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you and see the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. C'était Lekeli avec la pièce I Never Learn tirée de l'album au même titre, précédée de Prayer in Sea, la version biologique, si je peux dire ça comme ça, de Lilywood and the Prick. Et là, avant, on a écouté Jungle by Night avec la pièce de Move et d'inspiration afro. Afrobeat. Oui, très important. Et non Afrobeat. Mm-hmm. Et non Afrobeat. Pas Danny. Excusez. Touche-moi pas. Une belle chaleur humaine. Oui, c'est vrai. Oh, d'ailleurs, c'est l'album de Christine and the Queens qu'on aurait dû écouter également. Je visitais à mettre la toune, une toune de Christine and the Queens. OK. Et ça, c'est des pièces que tu as aimées en 2014. Oui. Des pièces sorties en 2014 pour la plupart. À oui. écouter en sous-vêtements. Oui, tout simplement. C'est ça. Entre autres. Entre autres. On peut l'écouter aussi en étant habillé en girafe ou encore avec habillé en mou. Habillé en girafe. Oui. Ça m'est pas arrivé. En motif de girafe, maintenant. Aussi. OK. Ah ben. Quand on est tanné. Motif de girafe. Si j'ai ça, j'ai pas ça. Quand on est tanné. Ouais, mais le long cou, il est pas à la même place. Il est érectible. C'est un gag de pénis. Donc, David Ferrand, on te retrouve lundi prochain à 8h30 pour notre chronique Les Notes Salées. Je le sais plus. Ça te va? Si ça tente. Je le sais. Il va être là juste si je suis pas là. Juste si t'es pas là. Mais c'est qu'on sait pas si t'es là ou pas, c'est la surprise. C'est comme une petite carte où tout le monde en parle. C'est ça. Oui, c'est ça qu'on disait. T'as une carte VIP, tu te donnes quand ça tente. Une carte requin. Oui, une carte requin, c'est bon, ouais, ça. Ouais. T'es une very important... Requin. Requin. Carte VIR. Voilà. David Ferron, toutes les semaines, lundi, 8h30, on l'a dit, c'est de même. Merci d'exister. Merci d'exister. En effet, tu nous apportes du divertissement les lundis matins. Gratuitement, en plus. Nous autres, on te rehausse ça encore plus de divertissement. Oui. Comme too much advertisements. Oui. You know? Oui. Entertainment. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle de ces 9 Japonais qui sont morts étouffés par leur gâteau du Nouvel An. Eh bien oui, ça s'est passé à Tokyo. 9 personnes sont mortes étouffées au Japon en mangeant des mochi, ces gâteaux traditionnels du Nouvel An. Donc, rien qu'à Tokyo, 18 personnes ont dû être hospitalisées après avoir mangé un mochi et 3 d'entre elles sont décédées, a déclaré un porte-parole des pompiers. D'après le journal Yomiuri Shimbun, 9 personnes étaient mortes à travers le pays vendredi et 13 autres se trouvaient dans un état grave. Pendant le Nouvel An, l'une des périodes des vacances les plus importantes au Japon, les familles cuisinent traditionnellement une soupe appelée le uzuni, dans laquelle sont plongés ces gâteaux de riz gluants. Les services de secours conseillent aux habitants, en particulier aux jeunes enfants ou aux personnes âgées, de couper leurs mochi en morceaux avant de les manger. Les mochi font chaque année plusieurs victimes au Japon. Les mochi tueurs. Il pourrait avoir un beau film là-dessus, hein, la revanche des mochi tueurs. Et puis moi, je vous dirais, ça me fait penser justement au Japon. Là. C'est pareil comme les sushis, hein? Moi, les sushis, j'ai pas vraiment rien pour, mais pas vraiment rien contre non plus, sauf une chose. C'est trop gros. Moi, j'aime les petits teriyaki. En tout cas, il y en a des petits là avec du riz autour. C'est justement, je trouve qu'un sushi, pour qu'il soit bon, il faut que tu le manges au complet. Pour que tu aies une partie de riz, une partie de poisson, une partie de légumes. Tu sais, vous comprenez? Tandis que les sushis, on dirait qu'il faut que tu manges ça. Traditionnellement, je pense qu'on mange un sushi, on le mange dans une bouchée. En tout cas, quand on voit des Japonais manger des sushis, ils se mettent vraiment des énormes bouchées dans la bouche. On dirait qu'on aime manger des grosses patentes, hein? Tandis que, en tout cas, on peut comprendre pourquoi ils s'étouffent avec leur mochi. Cette personne qui n'aurait jamais dû exister en 2014, eh bien, je vous envoie ça tout de suite. On ne veut plus les revoir. Hein. Ce sont 7 épouvantables individus qui n'auraient jamais dû exister. Ben, moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec la liste au complet, mais j'avoue que y en a qui n'ont pas besoin d'être là. On se rappelle, bien sûr, puis vous allez voir beaucoup de ces personnages. On en a parlé durant l'année. Ici même dans le dîner de cons. Bien sûr, la femme à 3 seins, hein, qui s'était vraiment inspirée de Total Recall, si on comprend. C'est Jasmine Three Devil, mieux connue sous le nom de la femme à 3 seins, qui est devenue une véritable vedette sur la toile. En 2014, elle avait prétendu avoir subi une coûteuse chirurgie pour obtenir une poitrine avec un 3e sein dans l'unique but de ne plus être désirée par les hommes. Eh bien, peut-être qu'il y a plus d'hommes encore qui la désirent, parce que là, c'est du spécial. Sinon, autre personnage qui n'aurait jamais dû exister, on nous dit Dan Bilzerian. Dan Bilzerian est un capitaliste américain, un joueur de poker, un acteur et une vedette sur Instagram. À l'âge de 33 ans, celui qui se décrit comme le roi Playboy du réseau social a déjà 3 crises cardiaques à son actif et continue de mener un train de vie plus qu'effréné. Suivi par 6,5 millions de personnes sur Facebook, son profil est rempli de photos de ses conquêtes sexuelles, d'armes et de ses achats extravagants. On n'a pas besoin de Dan Bilzerian. Sinon, Josie Cunningham, que je ne connais pas, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, c'est une jeune femme qui voulait se faire avorter pour participer à Big Brother. Elle a réalisé son rêve cette année, devenir célèbre. OK. La maman de 33 ans a finalement vécu sa grossesse sous les projecteurs après avoir renoncé à la télé-réalité. Celle qui a utilisé l'argent du système de la santé publique du Royaume-Uni pour son augmentation mammaire a recommandé aux jeunes filles de devenir escorte et a vendu des billets pour son accouchement. Ben oui, la grande classe. Et là, ben, on a nos vedettes au Québec aussi. Hein? On parle de Heidi Van Horney. Près de 500 hommes se sont inscrits pour réaliser le fantasme d'Heidi Van Horney qui souhaitait avoir des relations sexuelles avec 23 gars pour son 23e anniversaire. L'actrice porno québécoise a finalement posé un lapin aux 23 hommes le soir même de l'événement après des semaines et des semaines de promotion sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'elle a niaisé pas mal les gars aussi. Fait que moi, je trouve que, ben, pas tant que ça. Heidi Van Horney est moins pire que plusieurs dans le top. Oh, celle-là, hein, on l'aime, on en a parlé souvent et depuis plus qu'un an. Eh bien, c'est la jolie... ben, c'est pas laid, c'est juste que c'est irréel. La Barbie humaine. Ben, attendez, là je dis c'est pas laid, ça dépend quelle photo qu'on voit d'elle. Hein. Il y a des photos qu'on voit d'elle où elle est une charmante, belle, jeune femme blonde, mais dans d'autres photos, on voit les disproportions de son corps qui deviennent un peu dérangeantes, même à l'œil. Donc c'est l'Ukrainienne Valérie Luyanova, surnommée la Barbie humaine sur les médias sociaux, qui a gagné en popularité cette année en tapissant la toile des photos de son corps surréaliste aux mensurations qui lui donnent des airs de la célèbre poupée de plastique Barbie. Connue depuis 2012, celle qui nie avoir eu recours à la chirurgie esthétique, ça on peut en rire, hein, a été victime d'une agression cette année. Rassurez-vous, sa poitrine démesurée et son teint de porcelaine, ses yeux de poupée et sa chevelure tirée d'un conte de fées ont été rétablis, semble-t-il. On a acheté des neufs puis on les a replacés. Celle-là, c'est pire. Moi, sérieux, je trouve pire elle que Barbie. C'est les sosies de Jessica Rabbit. Étonnamment, il n'y a pas qu'une seule femme qui a déformé son corps cette année pour ressembler à Jessica Rabbit. Quelques admiratrices, obsédées par le sexe symbole du monde de l'animation sont prêtes à tout pour obtenir ces mensurations extrêmes. Les adeptes du corset à la silhouette sablier sont devenus de vraies vedettes sur le web et leurs comptes Instagram sont épiés par des centaines de milliers de personnes. Il y a du monde qui ont du temps à perdre. Et moi, je vous dirais, eux, ils m'énervent, mais vraiment. Et juste à les regarder me donne mal au cœur. Ce sont les jumelles qui partagent tout. Hannah et Lucy Desenke, qui ont dépensé plus de 240 000 $ en chirurgie esthétique pour être complètement identiques. Les jumelles australiennes partagent beaucoup plus que simplement leur date de naissance. Elles sont nées à une minute d'intervalle. Les sœurs de 28 ans travaillent au même endroit, n'ont qu'une seule voiture, qu'un compte Facebook et surtout le même petit ami. Ce dernier a également réussi à faire les manchettes en brisant le silence sur son ménage à trois cette année. J'espère juste qu'on n'en reparlera pas. Hein? On pourrait dire ça comme ça. Restons dans le domaine du décolleté plongeant et de la femme qui se montre. Justement, 400 plaintes pour le décolleté, peut-être un peu trop plongeant, de Rita Ora. C'est la chanteuse britannique, Rita Ora, qui a choqué des centaines de téléspectateurs. Mais des centaines de téléspectateurs, s'il y a des centaines de milliers ou même des millions de personnes qui regardent, c'est quoi? C'est rien. Mais en tout cas, elle a choqué quelques personnes de la chaîne qui regardaient la chaîne BBC en abordant un décolleté jugé trop plongeant lors de son passage à The One Show. On nous dit que plus de 400 plaintes ont été enregistrées. Rita Ora est invitée à l'émission pour faire la promotion de The Voice UK le 5 janvier dernier avec ses 3 coachs Tom Jones, Will Higham et Ricky Wilson. La star de 24 ans est reconnue pour sa généreuse poitrine et ses légères tenues. Ben, elle est parfaite, sa poitrine n'est pas trop grosse, là, elle est juste une parfaite. Donc, les adeptes de l'émission phare de la chaîne anglaise diffusée à 19h n'ont pas été n'ont par contre pas apprécié son tailleur blanc signé Armano Sevincio, sous lequel elle ne portait rien. Ben ça, c'est simplement les centaines de... quelques centaines de téléspectateurs. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été bien contents de son décolleté. The Mirror a mis la main sur quelques messages de Britanniques contrariés. « Je ne veux pas voir des seins traînés dans un programme familial. C'est scandaleux. Je ne suis pas prude, mais c'est tout à fait inapproprié », a ajouté une autre. L'équipe de... Et j'aimerais ça les voir, ces femmes-là qui se sont plaintes. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont envoyé de lettres, mais je dis ça de même. L'équipe de production du programme s'est excusée pour le choix vestimentaire jugé peu approprié de la starlette en publiant un communiqué sur Facebook que je vous cite immédiatement. Nous nous excusons auprès des personnes offensées par le choix de la tenue de Rita Ora hier soir. Si nous avions été consultés, nous lui aurons demandé de porter quelque chose de plus adapté à cette heure de la journée. Et bon, et là, on a plein de belles photos de cette Rita Ora. Et on vous dirait, allez voir sur Facebook, que pensez-vous de son choix de tenue cette fois-ci? OK, ben, tout aussi jolie une que les autres. Sinon, tiens, on va aller dans un autre domaine ici. Vous savez, hier, c'était la triste journée que la ville de Paris et plus ben, tout le monde entier, finalement, et le monde de la liberté d'expression, hier, a été attaqué. Eh bien oui, c'est Charlie Hebdo. Mais pourquoi Charlie Hebdo s'appelle-t-il Charlie Hebdo? Hein? L'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo doit son nom seulement à un personnage des... ne doit pas son nom, pardon, seulement à un personnage de M. Schultz, hein, des Peanuts, mais aussi, semble-t-il, au général de Gaulle. Quand l'hebdomadaire satirique renaît de ses cendres en 1992, tout le monde connaît son nom. Sa genèse est en réalité le fruit d'une histoire éditoriale pleine de soubresauts et de dessins. L'histoire commence en 1969. Les dessinateurs Cavana, Cheron et Delfeuille de Thon, trois des piliers du journal Harakiri, lancent finalement le journal Charlie. Harakiri, c'était le journal juste avant, un mensuel de bande dessinée. Son nom est alors directement inspiré des personnages de Peanut, de M. Schultz, hein, Charlie Brown, le maître de Snoopy. Au même moment, toute l'équipe de Harakiri lance un hebdomadaire qu'ils appellent Harakiri Hebdo, puis l'hebdo Harakiri. Ce n'est pas la première fois qu'ils tentent de relancer cette publication régulière, interdite pour ses outrances. Ben oui, ils ont toujours été assez grinçants et cinglants chez Harakiri ou chez Charlie Hebdo. L'hebdo de bande dessinée Périclite et l'hebdo Harakiri vivotent jusqu'à la une de novembre 1970, au lendemain de la mort du général de Gaulle. Quelques jours après un dramatique incendie dans une discothèque, 146 morts, l'hebdo Harakiri titre « Balle tragique à Colombey ». Un mort, un gouvernement interdit la publication. Mais l'équipe se joue de cette décision en changeant son nom. Le journal devient alors le Charlie Hebdo, en référence non seulement au mensuel Charlie et à Charlie Brown, mais aussi à De Gaulle, qui était volontiers surnommé Charlie, hein, Charles De Gaulle. On va se coucher plus intelligent aujourd'hui. Avant, je disais on va se coucher moins niaiseux, mais des gens m'ont dit non, tu vas te coucher plus intelligent. C'est comme voir le verre à moitié plein, c'est mieux. Mais ici, quelqu'un qui ne s'est pas couché plus intelligent, par exemple, c'est Jean-Lala Tremblay. Si vous écoutez Infoman, en passant, ça joue ce soir à 19h30 sur les ondes de Radio-Canada, ben, d'après moi, là, parce que d'habitude, c'est l'heure, à moins qu'il ne soit pas recommencé encore là, par rapport à la période des fêtes. Mais on voit souvent Jean-Lala Tremblay. Et là, Jean-Lala Tremblay nous a dit que c'était la faute au diable ce qui était arrivé hier, justement, dans les locaux de Charlie Hebdo, et je vous lis son tweet. Donc, le tweet du maire de Saguenay, Jean Tremblay, sur la... j'ai de la misère à pas ajouter le « là », eh bien, suscite de vives réactions. Il a vraiment écrit que c'était la faute au diable. Donc, M. Tremblay a publié son commentaire sur son compte. « On oublie le véritable auteur de cet attentat, le diable. » Et en seulement quelques minutes, des dizaines de commentaires le traitant d'illuminé ou de crackpot faisaient bien sûr leur apparition. Qu'à cela ne tienne, Jean Tremblay reste fidèle à ses propos. On ne peut pas être aussi méchant que ça si nous sommes animés par Dieu. Ces gens-là sont animés par le diable, c'est certain, mentionnait-il au journal. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais le mal, ça fait mentir aussi. Hitler disait toutes sortes d'affaires aussi, mais c'était le diable, s'est-il exclamé. assez particulier, ce monsieur Tremblay. Hein? Comme d'habitude, le maire Tremblay ne cache pas ses croyances religieuses catholiques et estime que la société devrait se tourner vers la prière. Il faut prier pour que ça arrête. Il faut demander des forces à Dieu, affirme-t-il en incitant les gens à faire la différence entre le bien et le mal. Les humains sont tentés par toutes sortes de choses. M. Tremblay avoue être inquiet par la situation et se demande maintenant jusqu'où la folie ira la prochaine fois. Il y a des guerres qui ont commencé sur des gestes fous comme ça. Il faut trouver le bien en nous. Ça, par contre, c'est parfait. Et il n'y a rien de mal non plus à faire une prière. C'est pas grave, c'est correct. Mais de dire, c'est aller loin un peu avec M. Tremblay. Faites-vous votre idée. Et puis, c'est de même. Je pourrais ajouter plein de choses, mais je veux pas choquer certaines personnes qui pourraient peut-être l'être. Et puis sinon, tiens, on va aller dans un autre ordre d'idées. Mais quand même, il y a un lien religieux ici, et catholique, vous allez voir. Ce sont les policiers philippins qui porteront des couches. Pour qui? Pour le pape. Mm-hmm. Que faire lorsque l'on est policier chargé de sécuriser la visite du pape et que l'on est pris d'un besoin irrésistible de se soulager? Eh bien, les autorités philippines ont trouvé la solution, équiper les forces de l'ordre avec des belles grosses couches. Avec des couches donc pour adultes, les autorités veulent s'assurer que les agents n'auront pas besoin de se rendre aux toilettes en cas d'envie pressante. OK, c'est ce qu'a développé, c'est ce qu'a annoncé et expliqué Emerson Carlos de l'autorité du développement de Manille, précisant qu'un millier de personnes étaient concernées par la mesure. Le pape est attendu aux Philippines du 15 au 19 janvier pour une visite qui devrait attirer des millions d'habitants dans ce pays de catholiques fervents. Donc, ces couches seront testées par les agents de la circulation lors d'une procession traditionnelle vendredi, au cours de laquelle sera brandi comme chaque année un portrait en bois de Jésus-Christ. Nous allons leur donner des couches parce que nous ne savons pas quand les foules vont se précipiter, a ajouté M. Carlos. Donc, le petit conseil de la journée, c'est « laissez-vous aller ». Je pense qu'avant de commencer, là, le chef de police va dire à ses troupes « Là, n'oubliez pas de vous laisser aller. Il faut tester les couches. » Les autorités philippines s'attendent à des foules immenses, en particulier à l'occasion d'une messe vespérale qui aura lieu le 18 janvier à Manille. Le responsable a balayé d'un revers de la main les moqueries et les colibets de la presse locale. Comme on lui demandait s'il n'y avait pas eu de récrimination de la part des intéressés, le responsable a assuré que personne ne s'était plaint. De son côté, un porte-parole de la police nationale a déclaré que les 25 000 policiers chargés de la protection du pape ne seraient pas contraints à imiter leurs collègues de la circulation. Nous sommes entraînés à ce type de situation, a-t-il ajouté. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.